La première chose que nous allons faire, du coup, c'est tenir une assemblée. Pour vous donner quand même un rapide contexte, par rapport à où est-ce qu'on s'est quitté la dernière fois, pour vous puissiez vous situer quand même rapidement, bien que je réindiquerai ultérieurement de manière un peu plus détaillée, mais nous sommes en fait une semaine après votre retour dans l'Arche. C'est pour ça que certains n'ont plus de blessures, c'est pour ça que d'autres ont des restes de blessures, je pense notamment à X, hein, qui s'était défoncé les muscles comme jamais, et qui du coup, bah, au bout d'une semaine, t'es en plein repos, et il te reste encore deux traumatismes à soigner. C'est juste que tu es moins efficace que d'habitude, mais au moins tu vas bien, contrairement à il y a quelques temps. Du coup, voilà, une petite semaine s'est passée, et l'ambiance, par contre, a pas mal changé, en fait, dans l'Arche. Certes, maintenant, il y a la nourriture, alors, pas de manière abondante, hein, loin de là, c'est plus qu'on a quitté le stade de famine, on est dans le stade de presque famine, vous voyez, c'est bien. Mais il y a, depuis votre retour, un peu une sale ambiance, quelque chose d'un peu plus... d'un peu moins honnête, du coup, dans les relations avec les gens, d'un peu plus sombre, un peu plus oppressant, en fait, dans la relation qu'entreprend les gens, jusqu'à alors assez solidaire entre eux. Aujourd'hui, pour tout le monde, c'est un peu plus énervant. Du coup, c'était juste pour vous donner un petit contexte de comment ça s'est passé en une semaine. Je vous ferai un peu plus de détails après. La question est... Nous sommes en assemblée. Vous êtes du coup, et quand je dis vous, c'est le peuple, et sur la place. Les chroniqueurs se tiennent du coup sur l'estrade, et tout simplement, va écouter les propositions. Les propositions sont sur la conversation, ci-dessous, et tout simplement sur projet de l'Arche. Je vous rappelle que vous en avez en défense, en nourriture, en culture, et en expédition dans la zone. Je vous conseille aussi, je vais d'ailleurs directement vous l'uploader, je vous remets la fiche de l'Arche, vous permettant de voir à quel niveau de développement vous êtes pour voir là où il y a des urgences. Je rappelle que entre 1 et 10, c'est un énorme manque presque vital. Hein. C'était par exemple la nourriture entre 1 et 10, c'est la famine. Niveau culture, technologie et défense, vous êtes très en retard, entre guillemets, ce qui est normal, hein, parce que jusqu'à présent, c'était encore une fois l'aîné qui vous gérait. J'essaye un peu de ratisser l'Arche pour les deux joueurs qui viennent de rejoindre et ceux qui connaissent déjà. Du coup, voilà, niveau culture, vous êtes... Et voilà, forcément. tant pis. Niveau culture, du coup, bah, vous êtes... pas pour dire bête, mais pas loin. Vous savez, par exemple, pas l'heure. Hein. C'est pas... Enfin, quand je dis bête, je parle évidemment de manière purement culturelle. C'est-à-dire que, comparé à une société avancée... n'est pas évoluée, quoi. Simple. Oui, tout à fait. Nous sommes les Indonésiens. Que donner l'heure, vous n'en êtes pas capable. Vous voyez la journée qui passe, hein, vous savez faire la différence entre le jour et la nuit, mais par exemple, pour vous, 14h est une notion totalement abstraite qui ne veut rien dire. Pareil, du coup, pour la technologie, vous êtes très en retard, vous ne comprenez pas le moindre technologie, ça peut être très efficace, par exemple, je ne sais pas, pour se chauffer, ce genre de choses. Vous savez typiquement que l'énorme rampe qui est, vous savez, au niveau frontal de votre arche, hein, qui, je rappelle, est un ancien stade. Ça, c'est plus pour les joueurs, l'ancien stade. Hein, pour les personnages, ça ne veut rien dire. Mais voilà, même pour les gens qui écoutent, ça permet de restituer un petit peu. C'est une session un peu remise à plat, du coup. Cette rampe-là, vous doutez qu'il y a quelque chose à faire qui pourrait être très pratique. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous ne savez pas du tout comment. Mais ça se sent au niveau structure. Vous voyez, quand on arrive, c'est un des premiers trucs qu'on voit, qu'il y aurait peut-être un truc à faire. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous ne savez pas comment faire ça. Donc, du coup, voilà, c'est typiquement parmi les ressources qui sont un peu gaspillées. C'est une question purement technologique. Et je t'écoute. Alors, donc, tu nous as donné les différents projets que peuple va pouvoir... voilà. Mais on n'a rien en technologie. Si on voulait proposer quelque chose en technologie, il n'y a rien, en fait, dans technologie à proposer. Tout à fait. Parce qu'en fait, pour commencer à améliorer la technologie, il faut faire des expéditions. D'accord. Et ça, c'était mon dernier point. Puisque, encore une fois, les expéditions peuvent augmenter n'importe quel niveau de développement et trouver des artefacts. Chose que vous n'avez pas réussi à faire lors de votre dernière sortie. D'ailleurs, je vous dis clairement, vous avez raté un artefact. Voilà, les artefacts, vous les trouvez, vous les donnez aux chroniqueurs, ces derniers les analysent, et ça permet d'améliorer le niveau de développement de l'arche. Ça, c'est purement du jeu. Question, le pistolet, du coup, ne compte pas pour un artefact technologique ? Non, parce que vous avez déjà des armes de fortune. Alors, c'est un revolver qui est certes, du coup, ancien, du coup, c'est vrai que... Mais en soi, vous savez faire des armes de fortune, c'est pas un savoir technologique qui a besoin. Et du coup, la dernière chose, c'est la défense. C'est vrai que, pour vous dire, c'est un truc qui est débloquable, c'est faire des tours de garde. Aujourd'hui, vous ne savez pas organiser un tour de garde. C'est vrai que, pour nous, ça semble totalement absurde. Non, mais oui, pour nous, ça semble totalement absurde. Mais c'est quelque chose qu'il faut penser, c'est quelque chose qu'il faut organiser, c'est des ressources humaines à avoir. Et là, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est développé. Voilà. C'est juste pour dire que, ça veut pas dire... Mais c'est vrai qu'il faut se mettre dans cet esprit-là que des choses qui peuvent paraître très évidentes pour nous, joueurs, ne le sont pas forcément pour vous, personnages. Voilà. Voilà, c'était une petite remise à zéro. Comme ça, les nouveaux joueurs s'y accrochent, j'espère, plutôt bien. Les anciens, j'espère pas avoir été trop barbants, du coup. Et je vous laisse, du coup, faire le peuple. Je vous laisse... une minute de réflexion, après je vous laisse une minute de débat pour décider du projet de l'arche. Est-ce que du coup c'est bon, vous avez lu ? Oui. Ok. Et bah du coup maintenant je vous laisse du coup de nouveau une minute pour réfléchir, enfin pour débattre entre vous et me donner une décision finale quant au projet. Je vous rappelle que l'expédition est programmable, vous n'êtes pas obligé de participer à l'expédition, ce sera des PNJ et du coup ça sera avec leurs caras qui sont diminués par rapport à vous. Je vous laisse décider de ça. Je relance le timer. À vous. Il faut envoyer l'expédition. Il faut pas faire l'expédition. Mais l'expédition pourquoi? Il faut trouver des choses. Il y a plein de choses à trouver dehors. Et on n'a rien ici. C'est vraiment nul. Oui, mais il faut d'abord qu'on s'entraîne ici déjà dans l'arche. Il faut que tout soit parfait. Oui, parfait comment? Nous avons été bénis par les dieux. Nous avons été bénis. Nous avons survécu à l'apocalypse. Et maintenant, il nous punit en nous assassinant. Nous devons les honorer d'un hôtel. C'est exactement avec des discours comme ça qu'une civilisation dit... Ouais, un hôtel. Il nous faut une taverne. Une pour boire et pour s'amuser. Pour que le peuple soit un peu moins déprimé. Ceci n'est que dépravance et corruption. Vive les gens anciens qui nous bénissent de par leur radiation. Arrêtez de parler au nom du peuple. Soyez le peuple. Je suis pas d'accord, il faut aller à l'extérieur. Du coup, s'il vous plaît, j'aimerais du coup savoir le vote de chacun. Et si jamais il y a une égalité, s'il n'y a rien qui a une majorité, sur quoi vous... Je m'attendais pas à ça. Oui, ils se sont amusés à le faire de manière RP, moi j'aime bien. Ah bah c'est le peuple hein. À boire. Bah j'ai cru entendre deux fois hôtel. Mais je sais pas hôtel. Si... Ah oui. Oui, un hôtel pour... Mais je crois qu'il y en a deux qui ont dit hôtel. Une expédition, oui, et Morgane c'était Taverne. Taverne. Ok, bah du coup effectivement, par la moitié du peuple semble être plutôt partant pour une religion, sachant que... c'est d'autant plus cohérent, et j'aime beaucoup ça, que nous avons des histoires avec le collectionneur qui a eu des visions du futur, et qui du coup soulève un petit mouvement en ce moment un peu religieux. Qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Astrid et Klinger sont sortis de leur côté sans préparer une vraie expédition. Du coup, c'est très RP, c'est pas mal. Du coup. Pour déterminer ça, ce sera soit de l'endurance, soit de la manipulation. Et il va falloir du coup 4 points de travail pour simplement créer ce temple. Et une fois créé, il donnera immédiatement un bonus de culture 1d6. Donc ça peut être beaucoup comme très très nul. Donc en gros, c'est quoi? On va tous travailler pour faire un temple? Ah, mais non, pas du tout, je vous dis. Je rappelle le système. Ça, mon cher, étant un ancien, j'osais espérer mais vous en souvenir. Mais j'ai besoin que tu le répètes pour les autres. C'est pour ça que je C'est en session que cela se passe de manière RP. Vos personnages peuvent consacrer du temps, comme à n'importe quelle autre activité, sur un des projets en cours. les projets étant le bétail, hein, qui avait commencé à être construit mais qui a été arrêté parce qu'en même temps il y avait la partie de chasse à côté qui maintenant ramène de la nourriture de manière assez convenable. Et juste avant, le temple. Et donc du coup, bah, à chaque fois, vous pourrez utiliser une de vos compétences et contribuer à la création de ce... de ce projet. Et du coup, c'est du temps passé au RP, et quand vous le faites, vos réussites sont directement des points de travail gagnés pour le projet. Voilà. Tout simplement. Et, mais du coup, donc, c'est du coup, pas du tout obligatoire. Deux projets en cours, c'est ça ? Ouais, vous avez et la partie de chasse et le temple. Sachant que si aucun des joueurs ne... Non, la partie de chasse, elle est achevée, je vois. Oui, pardon, le bétail. Bétail. Le bétail et le temple. Sachant que si aucun des joueurs ne s'en occupe, le jeu considère de manière épée que du coup le peuple ne s'en occupe pas. Parce que c'est une façon de mettre les joueurs déjà de manière en importance. Et parce que comme ça, c'est plus facile de gérer une arche entière composée de 200 personnes. Même si vous êtes plus 200 maintenant aujourd'hui. Oui, on est 106, je crois. Vous êtes 196. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, y compris Astrid. On n'a pas encore vu son corps. Oui, bon. Nous sommes du coup une semaine après votre arrivée. Je rappelle, arrivée avec quelques équipements supplémentaires pour certains d'entre vous, avec surtout une inconnue sur vos épaules que vous avez... que vous avez du coup... à votre arrivée, tout simplement confié aux chroniqueurs médecins, du moins. D'ailleurs, à partir de maintenant, les chroniqueurs médecins, je les appellerai juste les médecins. Et on va séparer un peu les médecins des chroniqueurs, même si au final, ça fait partie de la même branche. Voilà, on les sépare un peu. Pour la blague, hein, vu qu'il y a des chroniqueurs, j'aimerais bien les nommer les hospitaliers, mais je pense que ce serait peut-être un petit peu trop grand. Donc, on va juste les appeler les médecins. Du coup, voilà, vous l'avez confié, et à l'heure actuelle, donc une semaine après votre arrivée, elle ne s'est toujours pas réveillée. Vous savez qu'en même temps, c'est pas surprenant, hein. Je veux dire, la personne qui s'est fait agresser du nom de Médiane, votre amie, hein, elle aussi, ça fait un moment qu'elle est dans les vapes. Dans tous les cas, du coup, depuis votre retour, comme je vous le disais en pré-introduction, l'ambiance a énormément changé du coup dans l'arche. En l'espace, en fait, du temps de votre mission et de revenir, vous avez l'impression que tout un monde s'est déroulé. Certes, le boucher n'a pas agi, il n'a pas donné signe de vie, il n'a pas agressé la moindre personne depuis votre retour, ce qui est déjà bon signe en soi, parce que le boucher fait partie des préoccupations assez majeures dans l'arche, vu qu'on vous agresse de l'intérieur. Mais malgré tout, l'ambiance est devenue assez morbide, en fait. Dès que vous sortez de votre abri, il y a quelque chose de plus sombre. Quelque chose de plus dépressif. Les amitiés qui étaient jusqu'alors considérées comme acquises sont maintenant être des façades. Il n'y a plus que convoitise dans l'arche. Et pour dire vrai, un sentiment d'insécurité commence à se développer. C'est pas étonnant. Une caïd vient de disparaître. Du coup, deux caïds se retrouvent à ça d'être ceux qui dirigent l'arche. L'aîné est de plus en plus absent. Il n'a pas apparu publiquement d'ailleurs depuis des semaines. Déjà, il n'apparaissait plus avant votre retour et votre départ. Mais rien de nouveau, ce qui n'arrange pas du coup. Enfin bref. C'est une arche un peu plus différente, un peu moins conviviale qui se développe à l'heure actuelle. D'ailleurs, le moment de choisir un projet qui s'est juste révélé être une énorme engueulade, les gens ne s'écoutaient plus, vous sentez qu'il y a quelque chose de tendu en tout cas. Du coup... Pendant une semaine, vous avez vaqué à vos occupations. Vous avez géré de votre côté ce que vous avez à gérer. Toi, Klinger, tu t'occupais effectivement de ton chien, qui en avait bien besoin après ça. Tu as passé du temps du coup, avec ton amie chroniqueuse, que j'ai noté par là, dont j'ai oublié le nom pour, à l'heure actuelle. Davana. Davana, voilà, merci, bien entendu. Du coup, voilà, tu as passé du temps avec elle, de manière habituelle, hein, je veux dire, c'est de temps en temps une bonne compagnie qui t'est offerte, jouant sur tes connaissances de lecture que tu as, de manière... Davana ou, ou Dava? Davana. Davana. D'accord. Ce n'est pas le même personnage. Non. Ok. Mais voilà, du coup, il y a oui, voilà, cette relation qui s'est créée. Typiquement, X, tu as continué à gérer ce que tu faisais avant votre départ forcé, qui était d'essayer de gérer un peu les esclaves. D'ailleurs, tu sais que l'un des esclaves est mort durant cette semaine de maladie. C'est en même temps, vous êtes très nombreux hein, dans l'arche. Hein. Il y a plus d'esclaves que d'autres rôles de manière indépendante. Mais étant donné que tu étais en train de te créer petit à petit un statut, j'allais dire un peu de leader hein, dans les esclaves, hein, avec ton meilleur ami, du coup, bah, ce genre de choses maintenant te parviennent à l'oreille et tu es maintenant au courant lorsque l'un des esclaves s'éteint. Du coup, de ton côté, toi, Annette, je ne sais pas vraiment ce que tu as fait durant cette semaine, je dois avouer, étant donné que tu n'avais pas tant de choses de ça sur le feu avant ton départ. Hein. Si, du Mais... coup, je pense que après voilà. Le vote, je pense que j'ai passé un petit peu de temps avec le collectionneur. Après le vote, c'est ce qu'on joue là. C'est ce qu'on fait là. Et du coup, oui, tout à fait. Et pas très bonne chose, ça me permet du coup de t'indiquer que le collectionneur, qui il y a une semaine de ça, s'était fait remarquer pour prendre la parole publiquement et louer des visions qu'il aurait de votre propre apocalypse à vous, hein, vous mutant. Chose qui avait retourné absolument l'arche, hein. Je rappelle que du coup, personne n'avait volonté de travailler sur les projets et sont tous restés la journée à son écoute, créant un petit mouvement mystique et limite sectaire en son encontre. Eh bien, il est retourné s'isoler à son habitude, hein, dans son abri personnel, qui se trouve, de manière très, très simple pour toi, juste à côté du secteur des chroniqueurs, étant donné que le but du collectionneur est d'amasser le maximum d'artefacts, bah forcément, il se met à côté de ceux qui ont ces artefacts. Du coup, tu as pu passer du temps avec lui à ton habitude. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes réunis justement dans une des salles. J'aime pas utiliser ce mot-là parce que c'est vrai que c'est plus une volonté de faire une salle avec des restes de débris et de ce qu'on a pu trouver dans, entre guillemets, les gradins du stade qui, pour vous, ne sont que des murs extrêmement penchés. Et, mis à part cet énorme tremblement de terre qui vient de secouer un peu l'arche, vous êtes du coup tous les trois, vous avez été du coup appelés dans cette salle mais, qui sert plus ou moins d'accueil pour les chroniqueurs, qui permet de vous parler, les médecins, etc. Et dedans se trouve d'ailleurs, justement, Davana. Et alors que vous rentrez dans cette salle, que vous y êtes, que vous discutez un peu entre vous, Médiane franchit le seuil de la porte. Enfin, de la porte. On se comprend. Du petit rideau qui sépare les... Exactement. C'est vrai que en vrai, moi, je visualise plus comme ça. Hein. C'est plus pour moi des séparations faites avec ce qui a été trouvé du tissu. Médiane, du coup, toi, tu viens de te réveiller il y a non pas quelques instants non plus, mais ça fait un, peut-être deux jours que t'es réveillé, qu'on te soigne, et que du coup, aujourd'hui, tu es apte à marcher, à pouvoir te déplacer. Tu es encore fragile, hein, le moindre de tes mouvements te fait encore mal, hein, mais au moins tu es sur pied, tu es en vie, ce qui est peut-être le plus important. D'ailleurs, des séquelles physiques sont toujours visibles, hein, sur toi. Tu as été un peu tailladé de partout, hein, donc forcément, c'est pas le genre de traces qui disparaissent en à peine quelques jours, voire semaines. Dans tous les cas, Médian, du coup, tu franchis le seuil de la porte et tu te retrouves face, du coup, à tes trois amis. Et d'ailleurs, vu que c'est la première fois que tu apparais, et pour certains joueurs, et pour les spectateurs surtout, je te laisse du coup décrire rapidement ton personnage, surtout physiquement, et à tout petit peu un peu de background, sans forcément aller au plus profond. Je t'écoute. D'accord, donc physiquement, donc déjà je suis une femme, je suis aussi de couleur de peau noire, même si on peut dire que j'ai une pâleur maladive vis-à-vis de cette couleur de peau là. Je suis plutôt maigre et je suis habillé d'un peu n'importe quoi, des habits déchirés, recousus dans tous les sens, des espèces de breloques sans queue ni tête. Et je suis une chroniqueuse, mais plus du côté médecin que vraiment chroniqueuse. Voilà. C'est parfait. C'est exactement ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'à partir du moment où je divise les médecins et les chroniqueurs, puisque nous avons deux chroniqueurs, mais nous avons un médecin réellement et un chroniqueur. Donc, on a deux branches bien différentes quand même de la même chose. Mais du coup, je vous laisse vaquer à votre rencontre. Bah, pour ma part, j'ai un sourire qui, quand je vois Médiane rentrer. Sourire de satisfaction, je dirais pas de joie parce que voilà, mais en soi, ça amène quelque chose de positif depuis quelques jours qu'on n'avait pas eu, parce que ça n'était que de mal en pis. Et de voir Médiane arriver, enfin quelque chose de positif, quelque part. Du coup, je m'approche de Médiane et je dis ça va aller, Médiane, tu te sens comment genre? Alors moi, contrairement à Klinger, c'est ça lui ? Klinger, ok. Contrairement à lui, je suis pas dans le juste je souris tout ça, je fais comme à mon habitude, je vais tous essayer de les prendre dans mes bras les uns après les autres. Oh ben Dieu. Oh, j'ai du mieux de te voir. Hey, content que tu sois de nouveau parmi nous. Oui, ça fait plaisir, merci. Du mieux que je peux. Même si ça se voit que... pas trop. Mais ça... Écoute, c'est essentiel. Je sais pas si on t'a prévenu, mais malheureusement, nous n'avons plus de nouvelles d'Astrid. Elle est partie... on est partis ensemble essayer d'explorer une zone et nous avons été attaqués par des sortes d'oiseaux assez impressionnant, je dois dire, qui ont décimé un petit peu nos rangs et on a réussi à retrouver tout le monde sauf elle. Malheureusement, j'ai bien peur qu'elle ne soit plus de ce monde. Non, j'en crois pas un mot, les enfants, ça meurt pas. Écoute, tu... Non mais je suis d'accord avec toi, hein. Tant qu'on n'a pas le corps, on n'a pas de preuves. J'espère, j'aimerais avoir cet espoir-là, mais j'avoue que étant parti avec elle et ayant vu tout ça, je te laisse l'espoir pour toi. Moi, je reste totalement silencieux. Je réagis pas. Enfin. Et comment dire, sinon pour. Le salaud qui t'a fait ça court toujours et il a fait même. Résultat, tout le monde devient parano, c'est complètement comme la merde, je sais pas comment dire autrement. Tout le monde se toise, tout le monde se. S'épie, c'est incroyable. Plus aucune confiance ne règne ici. Euh. J'imagine qu'on a dû te questionner, mais t'as des souvenirs de ce qui s'est passé? Quelque chose? Plus ou moins, oui. C'est assez flou, je dois avouer. Je me souviens que j'étais dans l'arche, quelque chose. Et j'ai vu, il me semble, le bras droit du collectionneur qui faisait quelque chose d'assez spécial. Il mourait, en fait. Il se faisait tuer. Ah. Activité particulière. Et son collègue dans cette activité, du coup, s'est enfui et j'ai décidé de le suivre. D'accord. Et il semble que ça soit mal terminé pour moi. Donc t'as aucun souvenir de ton agression? Pas de... T'aurais pas vu ton agresseur ou celui qui t'aurait fait ça? Enfin, je sais pas, ça reste... Non, j'ai pas vraiment de souvenir d'à quoi ressembler à personne. Ok. Oh. Écoute, c'est pas grave, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Après, l'important maintenant, c'est que on essaye d'avancer. L'arche doit avancer. Pas mal de projets sont en route, malgré que la population est assez divisée en ce moment. Je veux dire que la tension ambiante est très, très négative, si je puis dire. Mais il faut essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Je suppose que tu n'es peut-être pas en état de faire quoi que ce soit de physique, ou peut-être te reposer, ou peut-être aider à soigner des gens. Nous, on va essayer de voir de notre côté ce qu'on peut faire. Oui, je peux pas faire grand-chose physiquement, mais je peux toujours servir, j'imagine. Au moins vous encourager. Ouais, c'est sûr. Et puis après, je pense que les gens, ce serait bien que les gens te voient. Ça pourrait peut-être leur redonner un peu aussi le moral. Ils savent que tu as été touché et que si tu es présente et disponible, ça pourrait peut-être refaire un peu de positif. Ah oui. J'imagine pas dans quel état il devait être de savoir que la seule médecin compétente n'était pas là. Ben oui, justement. Donc maintenant, en te voyant, je pense que ça peut leur redonner de l'espoir. Tout n'est pas si noir. Hein. Honnêtement, on a un petit peu amélioré la nourriture. Enfin, on a trouvé un peu plus de nourriture. Les gens mangent un peu mieux, même si c'est pas encore ça. Mais les choses ne sont pas si horribles qu'elles puissent nous paraître. Enfin, ça, c'est toi qui le dis. Bah écoute, ça pourrait être bien pire. On était... Ouais, on pourrait être corvéable à merci tous les jours, vivre tout en bas dans un lac, totalement marécageux. Je sais. Mais arrêtez d'être déprimé. Exactement. Heureusement, c'était pas le cas. Je sais, X, que ta condition d'esclave n'est certes pas la meilleure, mais... On doit être tous être ensemble, essayer de trouver un but commun et essayer de faire évoluer l'arche, la rendre meilleure et peut-être même, par la même occasion, améliorer le statut des esclaves. Ouais, c'est ça, ouais. Meilleur pour qui, on se demande bien. Écoute, tu sais très bien que moi je me fous de tout ça. La seule chose qui m'importe ici, c'est mon chien. Avec ton chien. Ben oui, mais. Voilà. Ah, évidemment, tu t'en fous. Regarde, toi, ce qui t'intéresse, c'est. Je m'énerve. Ah oui, mais tu sais que j'œuvre pour tous, que ce soit pour les autres ou même pour vous. Quand je pars à la chasse ou en expédition, c'est pour tout le monde que je fais, et même pour les esclaves. Bon, les choses n'ont pas l'air si mal finalement. C'est ce que je pense. Bon, pour moi, la seule chose négative, c'est la disparition d'Astrid. Après le reste, je pense que voilà, On peut encore améliorer les choses. Il faut essayer un peu de casser cette morosité et cette déprime qui s'empare un petit peu de l'arche. Et je pense que tu pourrais tout à fait avoir ton rôle à jouer dans tout ça. C'est évident. Enfin, voilà, pour ma part, je pense que je vais essayer d'aller donner un petit coup de main pour le bétail. Je sais que moi, leur temple, là, tout ça, je m'en fous. C'est pas mon truc. Donc, je vais aller donner un petit coup de main au bétail. Avant que... Enfin, quand tu finis de dire ça, t'as Davana qui se rapproche de vous, qui vous avait laissé, du coup, parler entre vous, hein. Ah, il s'approche. J'ai bien peur qu'on a d'autres plans pour vous. On a besoin de vous parler chez l'aîné, au rez-de-chaussée. Quoi ? Nous tous ? Oui. Chez l'aîné au rez-de-chaussée ? Oui, c'est-à-dire que l'aîné a 2 étages. Ah. Et que. En fait, il y a un rez-de-chaussée, il y a un étage, et lui, en fait, reste dans son coin en haut des escaliers. C'est pour ça que d'ailleurs personne ne le voit. Et en fait, au rez-de-chaussée, c'est là où il y a les chroniqueurs, généralement les plus influents, et qui. C'est un petit lieu de convocation, etc. Ok, Donc c'est pas directement avec l'aîné ? Non. Bah, on vous suit quand même, hein. Si on nous convoque, c'est que ça doit être important. On y va tous, donc. Du coup, Davana ouvre la marche et vous y conduit. Pour rappel, du coup, l'aîné se trouve au quartier des Anges, donc qui est le quartier surélevé par rapport au quartier Fangeux, qui se trouve en fait être construit sur le fond du stade qui a été rempli d'eau. Et du coup, le quartier des gens, c'est celui qui est surtout sur les gradins et qui est bien élevé, qui ne patoche pas dans l'eau pour vivre sa vie. Contrairement typiquement au quartier des esclaves, qui est un énorme endroit où ils dorment tous et qui est en plein milieu de l'eau. Quoi. Du coup, bah, vous y emmène, comme d'habitude. Hein, y a un fracasseur qui s'occupe de surveiller la porte, hein, que personne vienne déranger l'aîné contre sa volonté. D'ailleurs, aujourd'hui, le fracasseur qui a été nommé, parce que vous savez que c'est un système de ronde qui est employé, aujourd'hui c'est un fracasseur que l'un d'entre vous connaît bien, hein, puisque c'est un fracasseur qui se dénomme Jonas. Je le connais pas, moi. Certains le connaissent. Ils se reconnaissent, du coup. Dans tous les cas, quand vous arrivez, hein, par la présence de Davana et de tout le reste du groupe, hein, il se décale juste pour vous laisser rentrer. Bien qu'une certaine tension, hein, au moment où Klinger passe la porte, est assez palpable, mais... Je garde mon calme. Du coup, quand vous arrivez... Vous arrivez en plein milieu d'une conversation. Vous voyez les deux zonards, enfin deux zonards, pardon, excusez-moi, discuter. Quand vous rentrez, ils semblent s'arrêter. Du coup, vous avez juste une fin de phrase en fait. Hein. Plus ou moins, hein, les mots prononcés, c'est mais il est mort, on est plus que deux. Et au moment où vous rentrez, ils s'arrêtent immédiatement, comme s'ils tenaient à garder secret leur suite. Vous êtes plus que deux quoi ? Tu vois que. Tu laisses-moi retrouver son. Voilà. Tu vois que. Jenna, une des deux zonardes, du coup, de cette arche, te regarde. Je te donne le nom, parce que c'est un personnage que tu connais, hein, t'as déjà croisé, sans forcément. Ouais. Et qui te croise, qui fait. Deux zonards. Nos deux autres amis sont morts et. On est plus que deux. Et. Oh. Sachant qu'on est un peu les seuls qui savent survivre en dehors de cette arche, c'est problématique. Et à ces mots, elle se tourne et se dirige vers la sortie. Je la toise un petit peu. Et vous avez pensé à donner un petit peu des conseils à ceux qui ne savent pas réellement survivre ? Je vois qu'elle rentre de foncer genre, vers la sortie, elle s'arrête au niveau de la porte, se tourne. Tu crois qu'on est là pourquoi ? Et elle continue son chemin. Suivi par le deuxième zonard. Mise en merde ! Sachant que. Je le réponds même pas. pour te restituer, c'est un contexte plutôt classique, parce que je rappelle que l'aîné est totalement contre le fait que vous sortez de l'arche. Et que, ouais, c'est bah pour lui, ça faisait partie des règles d'or. Et les Onars, c'est pour ça qu'ils étaient très peu nombreux, hein, c'était des petits rebelles qui sortaient malgré tout. Et aujourd'hui, c'est ceux qui deviennent assez importants finalement pour l'arche, parce que ce sont ceux qui ont vraiment les meilleurs moyens de survie et d'exploration à l'heure actuelle. Mais du coup, c'est normal qu'il y a cette lutte, hein. Là c'est moi qui l'indique directement aux joueurs, hein, mais c'est normal qu'il y ait un peu cette lutte pour essayer de se dire « Eh, en fait, venez, c'est pas mal d'être un Zonar », parce que c'était interdit jusqu'alors par l'aîné. Et vu que l'aîné, malgré tout, continue à diriger l'arche, les gens me voient pas, mais je fais des guillemets, il y a quand même des choses qu'il faut faire encore passer ou avancer, ou il faut que ça vienne du peuple, mais dans tous les cas, pour l'instant, eux sont dans un entre-deux un peu bloqué, c'est pour ça. Voilà. C'était juste un aparté juste pour le joueur, parce que je sais que du coup, comme tu es nouveau avec l'univers, il n'y a pas forcément tout qui est installé. Du coup, vous rentrez et du coup vous faites face du coup à un chroniqueur, qui est d'ailleurs le chroniqueur qui est en train de parler du coup avec les deux Onars. Et ce chroniqueur qui répond du coup du nom de Maxime, sans eux. Et oui, incroyable. Qui, vous savez, en fait, a toujours été parmi les plus proches, en fait, de l'aîné, hein, depuis qu'il est enfant. Parce que, enfin, vous avez grandi avec l'aîné, hein, je rappelle. Alors, doucement avec les théories. Mais, dans tous les cas, ouais, il a toujours été proche. Et du coup, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il fasse partie des plus... comment dire Influents. Pas forcément influents, mais je veux dire qu'il... proche. Ouais, c'est ça. Enfin, proche, mais au point qu'il puisse avoir certains accès que d'autres pourraient ne pas avoir, ouais, en termes d'informations et tout ça. C'était ce que je voulais dire, je n'ai pas trouvé le mot. Ouais, c'est l'idée, mais c'est un autre mot que j'avais en tête, mais c'est pas grave. C'est pas important. De toute façon, l'important, c'est que vous trouvez l'idée. En tout cas, il vous fait face. Oh, 4. Bah, oui, heureux de te savoir à nouveau sur pied, Médiane. Tu pourras reprendre le boulot, j'espère. Oui. Bonjour, peut-être. Je suis encore un peu mal, très mal. Aïe. Non, mais tu comprends que ce n'est pas... c'est pas une question d'autorité, c'est juste que avec les affaires récentes dont tu as été la victime, les médecins ont été un peu surchargés... de cas à traiter, et c'est un peu la panique. Donc au plus vite tu pourras reprendre le boulot, au plus vite tu pourras soulager quelques-uns des médecins en termes de tâches, tout simplement. Si je vous ai appelé aujourd'hui, c'est pas vraiment pour une bonne nouvelle, malheureusement pour vous. Vous le savez, comment dire, Astrid. Pardon ? Astrid, oui, tu disais. Oui, mais excusez-moi, je... Me coupez pas comme ça, s'il vous plaît. Astrid. Vous ne l'avez pas retrouvée. Je ne jette pas la pierre, hein, mais... Et du coup... Il va falloir que vous videz son abri. Quoi ? Hein ? Et c'est comme ça, l'abri n'est plus habité. Des gens dorment dehors, ça fera de la place. Et où est-ce qu'elle va aller, du coup ? Mais Astrid... elle est plus. Elle est pas là. Mais elle pourrait revenir n'importe quand. Ça fait... Elle est peut-être déjà là, mais on l'a pas encore vue. Vous savez, elle est petite. Ah, oui. Je vous prie. Vos remarques sont totalement... déjà... Vas-y, finis ta phrase. Mais surtout... Ça fait une semaine qu'elle n'est pas là. Vous avez rapporté de vos propres mots que vous avez été attaqué par un surnombre, qu'elle a été vue, qu'elle a été transportée. Je vous rappelle que ces ados sont assez puissants pour blesser mortellement, même si vous avez réussi à le soigner, le fracasseur Jonas, qui est un des meilleurs fracasseurs que nous avons dans cet abri. Il aurait pu y rester, celui-là. Je me suis trompé de nom, du coup. C'est pas Jonas, c'est de ma faute. Ah, alors, il peut pas y rester, celui-là. Ouais, non, attends. Mais oui, non, mais je suis con, c'est Valériane. C'est Valériane que vous avez sauvé, pas Jonas. Ah, oui. Où j'avais la tête. Et Jonas, je l'aurais laissé sur place, Jonas. Je serais resté pourrir avec ces oiseaux. Bref, du coup... Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Ils ont failli tuer Jonas, ils lui ont arraché un œil, il a eu les reins perforés. Valériane, putain de merde. Valériane, excusez-moi, c'est parce qu'il y a sa tête là derrière qui dépasse, casse-toi. Valériane, du coup, qui est un de nos meilleurs fracasseurs, un des plus puissants, et qui s'est retrouvé dans un état absolument lamentable, sans parler, bien entendu, à de Flint, hein, je pense que ça... Il y en a un d'entre vous qui doit savoir dans quel état il était, sans parler, hein, bien sûr, de Marl, qui est devenu totalement fou et que ça fait une semaine qu'on essaie de le calmer. Enfin bref, vous allez être rentré dans des états pitoyables, vous nous avez ramené une personne supplémentaire, et vous êtes bien d'accord qu'Astrid, hein, dans ces conditions, vous avez précisément dit de vos propres mots que vous avez fait absolument tout le tour pour essayer de la retrouver. Si elle était à cet endroit... C'est tout à fait vrai. Du coup, je considère que si elle était encore en vie à cet endroit, vous l'aurez trouvée. Et c'est pour ça que je me propose que vous me chargiez de trouver une équipe pour débarrasser la maison au plus vite. Mais l'équipe, la rendre elle est totalement là. Habitable. Ah, et dans d'accord, ce cas-là, c'est nous l'équipe. D'accord. C'est vous quatre. C'est vous qui débarrassez. On laisse les proches le faire, comme ça vous pouvez récupérer les objets de valeur, les objets sentimentaux peut-être. Si on les retrouve, hein, on les échange plus tard, ça nous regarde pas. Dans tous les cas, on vous laisse le gérer. Ce que je dis, c'est que à la prochaine tombée de la nuit, il faut que ce soit vidé. Pour que les personnes qui sont actuellement en train de mourir de froid dehors puissent avoir un abri. Oui, d'accord. C'est ouvert. Bien sûr. C'est ouvert. Alors, nous ne savons pas si... Parce qu'il me semble qu'elle protégeait une partie de son abri. Nous ne savons pas si cette partie-là est ouverte, mais en tout cas, son abri, de manière générale, est ouvert. Question. J'aimerais savoir s'il serait possible... Très bien. Je vais prendre de l'avance, je vais y aller, je pense. Attends-moi. Il n'y a pas de détail important, si. Non, je te suis. Attendez. J'aimerais d'abord connaître la question de Gossel. De Klinger. Une question. Klinger, oui, c'est une question du... Je pensais que c'était une question du joueur, en fait. Non, c'est ton personnage qui pose la question. D'accord, pardon, excuse-moi. J'aurais aimé savoir s'il était possible que... Alors, je sais, puisqu'elle nous en a parlé, à X et moi... Qu'elle avait un projet qu'elle voulait mener à bien pour la communauté, pour l'Arche, de mettre en place un fumoir pour la viande qui viendrait dans le futur. J'aimerais savoir s'il serait possible de continuer ce projet, parce que je pense qu'à l'avenir, c'est quelque chose qui puisse être intéressant pour nous tous, pour l'ensemble de l'Arche. Écoutez, vous êtes très mignon, Klinger. mais une simple question comme ça de vous à moi, il me semble pourtant que vous êtes très bien éduqué, mais vous savez comment faire un fumoir ? Parce que nous, non. Et si nous ne savons pas, bon, je forte doute, sans remettre en doute hein, votre culture, mais que vous non plus. Ouais, je sais, mais ça avait l'air tellement de lui prendre à cœur ce projet que je ne sais pas, bien, peut-être... Qu'allons-nous faire ? Un bâtiment et dedans, on prie pour que la viande se fume par miracle ? Vous doutez bien qu'une telle ressource de fumée de la viande qui nous permettrait de les conserver, sans les dire même de l'aîné, serait quelque chose d'absolument précieux à l'époque où nous devons partir à la chasse absolument tous les matins pour amener de la viande. Oui, c'est vrai. Mais... Si cela serait possible, ce serait avec plaisir d'avoir un tel endroit dans l'Arche. Mais à l'heure actuelle, malgré le fait que nous essayons de savoir via l'aîné, peut-être la façon dans laquelle il procédait dans les temps d'avant, aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout capables de produire une telle chose. C'est pas faux. Mais j'aurais aimé imaginer que ça puisse être possible. Son nom, pour avoir quelque chose qui vous doutez bien que... Quelque chose qui permet de conserver de la nourriture plus longtemps, on serait tous d'accord pour le faire. je propose tout de même, afin, comment dire, d'honorer sa mémoire, de construire un bâtiment ou quelque chose d'utilité publique pour tous. Je pense que nous avons un certain problème, avec l'hygiène ici. Et je pense que des latrines seraient appropriées et nécessaires pour la santé de tous et toutes ici dans l'arche. Enfin, c'est une idée que je proposerai sans doute ce prochain. Merci Klinger, tu m'as je bien valide. Je valide. Très bon, si c'est latrine à Astrid. Mais c'est bon, c'est bon la technologie. Attends, enfin, je regarde si ça fait partie des projets. Attends. Si oui, ça fait pas de... pour expliquer du coup à Morgan et à Kemao, j'ai dit que les gens, vous pouvez proposer ce que vous voulez, mais à partir du moment où ça fait partie des projets officiels du jeu, bah du coup vous pouvez pas le faire parce que ça fait partie de l'avancée prévue. Ouais. Écoute, le jeu a l'air de considérer que vous avez déjà des latrines, donc du coup on peut très bien dire que non et qu'il va falloir le proposer. Je ne suis pas contre. Juste du coup ça passera pas par l'étape assemblée, mais du coup c'est peut-être quelque chose. Si vous souhaitez être dans ce niveau-là, moi ça me dérange pas. Les latrines publiques. Et du coup, vous voulez donc faire vivre des gens à son appartement, enfin, bien sûr. Dans son lieu. Mais il y a de la place là-dedans. C'est sûr que ça fera de la place. Effectivement. Nous comptons faire vivre des gens, parce qu'encore une fois, 4 personnes peuvent rentrer dedans. De manière assez serrée, certes, mais de taille qui est, je pense, que nous méritons à l'heure actuelle. Hein. C'est-à-dire que vu qu'on a beaucoup de gens à loger et pas beaucoup de logements, il faut faire des corrections. Et vu que c'est une caïd en moins qui est là, ça nous permet d'être un peu plus souple pour aider plus de personnes. Et je pense que ce n'est pas l'esclave ici présent qui va être contre l'idée qu'on puisse donner des logements à des esclaves. Hein. Absolument pas. Voilà. Donc c'est tout, nous avons fini. Plus de... Bien écoutez, non, je n'ai pas de questions. Je n'ai plus de questions pour ma part. Alors, dans ce cas-là, je vais me mettre à courir le plus vite possible, le plus rapidement possible. la maison d'Astrid. À bientôt, X. X se met à courir. Je me doute qu'il va faire un truc mormoneux. J'envoie Flint courir avec lui. Très bien. Tu es poursuivi par un chien. C'est un chien gentil après. Hein. Je dis que je le suivais aussi. Il y a deux personnes qui partent au courant, qui sont poursuivies par le chien. Vous deux, vous faites quoi du coup? Moi, j'avance d'un pas assuré. Mais pas à courir quoi. Genre j'avance bien, mais sans courir. Ah, lieutenant. Très bien. Du coup, je suppose. Ouais, je vais suivre. Je l'appelle Klinger. Bon alors, Kling. Je l'appelle Kling. Kling, si tu veux. C'est comme Bling, mais avec un K. Bon, si tu veux, pendant le trajet, je te fais un petit topo de tout ce qui s'est passé, parce que forcément, t'as un peu loupé tout ça. Pendant qu'il y a une course-poursuite devant. Mais du coup, de manière logique, on va traiter les premières personnes qui arrivent. Mais du coup, Klinger et Annette. Oui, non, mais bien sûr, Klinger, tout à fait. X et Annette. Et Flint vous arrivez à... Mon chien aussi. Et Flint. Oui, mais Flint, ce n'est pas un joueur, il va pas me répondre. du coup, vous arrivez à l'appartement d'Astrid et qu'est-ce que vous faites de manière okay. Vous allez juste déjà, on regarde dans quel état il est depuis. Déjà, tu vas prendre connaissance d'une chose. Ne mêle pas trop de mes affaires. Qu'on soit clair, si je fais quelque chose dans cet appartement, tu le regardes pas, tu tournes les yeux. Et si jamais je te surprends, je te promets que ça risque d'être problématique. Je n'aime pas trop la manière dont tu as de me parler, sache-le. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je te dis de pas regarder ce que je fais, à poids c'est tout. Tu as des choses à cacher, c'est ça? T'as voulu faire la maline, maintenant t'assumes, et je te préviens que c'est toi qui vas finir. La maline de quoi? Qu'est-ce que tu caches? Ok putain, bon, je vois que tu veux m'énerver. Comment dire, tu vas me laisser tranquillement faire ce que je dois faire. Maintenant, te qu'est-ce que tu dois faire dehors. Tu peux me parler, je suis ouvert. Non, tu restes dehors. Ou alors, si jamais tu viens, tu me déranges pas, mais quand ce soit clair, je t'ai prévenu. Maintenant, je rentre. Bon, très bien, je sors. Mais ça, parce que je regarde par la fenêtre. Enfin, par la fenêtre. La fenêtre entre deux rideaux. Voilà. Bah, dans ce cas, je vais mettre le volet ou le rideau que Astrid, comment dire, a utilisé pour manger ses canettes. Je m'enlève le rideau. Je te regarde. Vas-y. Non, mais je t'en prie, vas-y. Pendant que vous engueulez, du coup, ça énerve le chien qui vous avait juste suivi et qui s'était assis. Mais ouais, vu qu'il bah, oh, c'est bon. Ok. Il commence à grogner un peu. Je cherche la bouffe. Mais okay, c'est un chien, ça. Eh oui. Ok. On va aller au plus vite, je cherche la bouffe. Non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, tu rentres à l'intérieur, tu commences à chercher dedans. En fait, tu arrives rapidement face à un problème. C'est que son arrière-salle est fermée, elle. Est vraiment fermée. Il n'y a pas la moindre trace de bouffe sur la salle principale. Ok. Est-ce que... Une porte ! C'est possible de l'enfoncer ? Oh, mais tout à fait, ça tombe bien, vous avez des attributs et des compétences pour ça. Alors, vu que la vie est bien faite, tu vas pouvoir faire un jet du coup qui s'appelle de force, donc c'est vigueur et force. Sachant que tu n'as que 3D, hein, je le rappelle, vu que tu es encore, t'as des muscles encore froissés de la dernière fois où tu t'étais défoncé dans le lac et t'as failli mourir noyé. Oui. Ouais, si tu échoues, je préviens, je rigole. Bah, mais en soi, tu vois pas ce qu'il fait, donc... Si, je surveille, je dis. Une réussite. Bah, parfait. Oui, vous arrivez. Mais là, je suppose que le temps qu'il fouille, il va pas mettre 5 minutes, donc vu que vous marchez d'un pas normal... En fait, vous avez juste à... Pour définir un peu, hein, pour les gens qui voient, il y a la carte dans la description pour les gens qui écoutent. Et pour nous, c'est dans le quartier des Anges, hein, qui habite Astrid. Donc, en fait, vous avez juste à retraverser en passant par la place. Et en fait, vous faites le tour, comme ça, de l'arche, en fait. Donc voilà, c'est juste qu'elle habite de l'autre côté vis-à-vis des mecs. Donc du coup, vous arrivez dans pas si longtemps que ça, mais il a quand même le temps de faire ce genre de choses. Tu fais une réussite, ce qui est très bien. Par contre, du coup, tu défonces la porte, hein, ça c'est pas de souci, t'arrives à l'enfoncer. Par contre, tes muscles aiment pas trop ça. Tu vas pas prendre de dégâts ni rien, mais au moment où tu enfonces la porte, t'as une douleur intense qui se lance en fait, genre sur tout. Tout le membre, je sais pas si tu l'as fait au pied ou au bras, mais dans tous les cas, t'as une douleur intense qui se lance et ça te révèle des bons souvenirs, tu vois, de souffrances précédentes. Mais ça... la porte est ouverte. Ça va, tu veux que je t'aide? Donc toi, t'es dehors avec Flint, qui bah, du coup s'est calmé, vu que vous arrêtez de vous engueuler. Et c'est ça, tu vois, tu et puis t'entends un gros pouf. Ça va, t'as besoin d'aide? Du coup, tu rentres dans l'arrière-salle et pas besoin de te préciser où est-ce que tu vas fouiller en premier, puisqu'il y a un truc qui s'appelle une sorte de petit coffre, tu vois. C'est incroyable. C'est comme si c'était un endroit où chercher quand tu veux chercher de la bouffe, et effectivement, quand tu l'ouvres, il y a dedans deux rations de bouffe. Ok, je vois. Et le coffre, il est vraiment petit, genre je pourrais le porter comme ça dans les mains ou... Ouais, tu pourrais le porter comme ça, en plus il est assez léger, il n'y a rien dedans. Et pour indication pour le joueur, vous ne savez pas ce que c'est. Les personnages ne savent pas ce que c'est, voilà. Juste, c'est un hors-série que les gens ne comprendront pas parce que je réponds à un message textuel. Mais c'est pour vous donner le niveau technologique, tout ça, ça me permet de vous situer. Voilà, par exemple, la connaissance de ce que c'est un frigo. Très bien. Mais du coup, tu pourrais le prendre et le porter, il n'y a pas de souci. Bah, je vais le prendre et je vais arracher les draps et les mettre autour de ma taille. Les draps qui... C'est la chambre en fait ou c'est genre... Oui, c'était sa chambre, il y a un lit double. Elle a collé deux lits pour faire... En fait, vraiment, quand tu rentres, le premier truc qui du coup maintenant te saute aux yeux, vu que t'as envie de regarder pour te le coller, c'est qu'Astrid en fait se persuadait dans un autolux qu'elle a pas. C'est-à-dire en fait c'est que des trucs de merde, mais qu'elle a assemblé pour donner une illusion de luxe en fait. Mais en même temps, c'est pas si rare que ça dans l'arche, hein. Les personnes les plus élevées, c'est ce qu'elles font. Et du coup, tu vois, elle a pris deux restants de vieux lits en ferraille sur lesquels il y a de pauvres matelas et des ressorts qui sortent, mais elle les a collés, ça lui fait un lit double. Alors qu'il y a des gens qui dorment par terre, hein. Mais ça c'est habituel avec Astrid. Ok, J'arrache les draps, je les mets autour de ma taille, tout ce qui peut ressembler de près de l'un, un drap ou c'est un drap, et je prends la boîte. Est-ce que je vois... Il y a d'autres choses comme ça à vue d'œil qui pourraient avoir l'air intéressantes Non, c'est en fait le son, sa, son arrière-salle, en fait, c'est uniquement ouais, son lit et ce petit coffre dans lequel elle cachait des choses de valeur, même si là pour l'instant il a l'air plutôt vide, mis à part la bouffe. Ok. Bon, bah dans ce cas-là, je sors pareil le plus vite que je peux et je me dirige vers le quartier des vents. Ok. C'est bon, t'as pas besoin d'aide pour transporter tout ça? Tu le vois tracer quoi, mais du coup au moment où je vois sortir, bah au même moment derrière toi arrive Klinger et Médiane qui arrivent tous les deux. Vous voyez juste en fait au loin l'ombre de X partir. Sans, vous avez pas vraiment, vous voyez rien par contre hein, des détails tout ça. C'est juste... moi je me doute de ce qu'il a fait mais. Je leur ai fait part aussi de ma petite altercation. Il est chez nous, non, X non, non, mais laisse, c'est X, c'est un esclave. Je pense qu'il a dû aller refiler ça à ses potes, vu qu'ils ont que dalle. Mais quand même, j'aurais, enfin, il aurait pu être un peu plus calme. Je l'aurais aidé, quoi. Ouais, c'est X, cherche pas. Après, sans prendre la défense, moi je suis un peu une voix ultérieure qui arrive, mais c'est vrai que, chose que vous savez, que je n'ai pas besoin de vous rappeler, à vous deux joueurs qui étaient là pendant toutes ces sessions, mais il y avait des petits conflits quand même entre X et Astrid par leur statut du caïs et de l'esclave, hein. Du coup c'est pas étonnant que... Même si il y a quand même un petit fond d'amitié entre les deux, mais c'est vrai quand c'était pas la plus grande amitié du monde. Hein. Mais j'étais là quand enfin Klinger était présent quand il y a eu la petite altercation et que X a dit c'était à Astrid qu'elle cachait de la bouffe ou mangeait en douce. Ouais. T'étais pas là quand on l'a dit à X, parce que chose qui l'avait énervé. Par contre, tu étais là quand les deux s'étaient un peu clashés par rapport à ça. Voilà, donc je me doute un peu de ce qu'il a fait en rapido. Et même si du coup Médiane et Annette n'étaient pas là à ce moment-là, vous savez qu'entre les deux, ça pas toujours. C'est pas la grande amitié. Même s'ils s'aiment bien, mais c'est de l'amouraine. Je pense. Question : le vol dans l'arche, c'est considéré comment ? Là, techniquement, c'est plus du vol puisqu'elle est morte. Bah oui, en gros, on sait pas, justement. Bah non, je rappelle que ce que vous a demandé du coup Maxime, c'est de vider, de vous récupérer tout parce que vous êtes ses proches. Et après, il s'en fout. Il vous a même dit s'il retrouvait ses objets échangés dans l'arche, il s'en foutait. C'est juste, on laisse les proches prendre ce qu'ils veulent. Ok. Donc là, en soi, faut bien imaginer que pour les gens de l'Arche, enfin les autorités, Astrid est morte. Après, que toi ou Médiane, vous pensez qu'elle ne l'est pas, c'est votre conviction, votre espoir. Mais honnêtement, voilà, c'est clair, ils considèrent qu'elle est morte, il va falloir qu'on vive avec ça. Bon, bah, du coup, moi je rentre... Pardon ? Non, je rigolais en disant parfois tu fais tout ce que j'ai fait, les gars. Oui, non, mais oui. En soi, en plus, oui. Hein, mais Bon, après, tu nous as un peu flousé, nous, notre part, parce que du coup, on a eu que dalle, mais. Mais voilà. Attends, moi, j'ai quand même posé la question si, je sais pas, il y a des petits textes qui traînaient. Mais tout ça, mais ça, j'y allais venir, parce que forcément, je comptais vous faire jouer un peu quand même cette séquence, voyons. Non, X, il a tout quitté. J'ai tout fait, les maps, tout ça. Et X, lui, il est parti, mais du coup, il vous rejoindra après. Mais du coup, vous qui êtes là, oui, je comptais quand même vous faire jouer un peu ça, quand même. Enfin, c'est quand même un moment un peu important, même si pour les joueurs, pas pour tous, mais au moins pour les personnages, ça l'est. Du coup, quand vous arrivez, l'arrière-salle n'est pas verrouillée. La porte est enfoncée, hein. Ce qui, du coup, vous aura sûrement dire qu'il va falloir faire une nouvelle séparation pour les gens, parce que c'était un truc déjà là, mais du coup, ça fait quelques coups. Ah, je crois que c'est pour ça qu'il a eu mal. Bah, de toute façon, il aurait fallu l'ouvrir de toute manière pour avoir accès à l'autre côté, donc... Dans tous les cas, oui. Mais du coup, vous rentrez et bah vous êtes face du coup à cette à cet abri de taille plutôt modeste. Hein. Je veux dire, c'est vrai quand on en parle, on peut avoir l'impression que c'est un gros truc, mais bon, il faut pas oublier que c'est un petit truc qu'elle a aménagé pour se donner une illusion d'avoir un grand truc. Hein. C'est un peu menteur. Les meubles qu'elle a typiquement sont tous, vous savez, ces espèces de sièges là qui traînent dans l'arche là, qui étaient aux alentours sur ces murs inclinés. Qui a été arraché pour faire de la place et construire des petits bâtiments de fortune, bah elle utilise ça pour faire des meubles comme table, comme chaise. Voilà, c'est. System D. Ouais, mais tout à l'heure, tant vous vouliez de ça. Dans tous les cas, dans la salle principale, ça c'est vide, hein, le premier truc, hein, de toute façon, qui saute, hein, c'est forcément les murs tapissés, hein, que ce soit dans la salle ou dans la salle, vous savez qu'elle tapissait les murs. Pas d'un joli tissu, non, mais c'est tapissé avec ce qu'elle trouvait pour donner encore une fois une liaison de jolis murs et pas de trucs tout exposés. Dans la salle principale se trouve aussi un bol qui est posé là, dans lequel, pour un qui était là au moment où ça arrivait, tu sais que c'est dans ce bol qu'elle se préparait, là, ses boissons, là, à base de plantes qu'elle essaie de faire. La dernière fois c'était plutôt bon, mais tu sais qu'avant ça elle essaie de t'empoisonner 50 fois avec la même boisson. C'est faut apprendre la cuisine. Hein. Mais voilà, ça traîne sur le côté. Rapidement, en fait, ce qui marque aussi sur cette table, hein, qui est encore une fois une espèce de vieille chaise posée, quoi. Il y a des plans. C'est du papier qui est posé sur la table, sur lequel est dessiné avec, vous savez, la petite roche sombre avec laquelle vous dessinez. Vaguement, hein, c'est pas très joliment dessiné, hein, ce qui n'est peut-être pas la plus talentueuse artiste de ce monde. Des plans en fait d'une salle avec plein d'annotations, etc. D'ailleurs, ce que ça. Ouais, est-ce que je peux savoir justement à quoi ça fait référence? Bah, après, moi j'ai une idée. Enfin, perso, moi j'ai une idée, mais. Si. Alors, de toute façon, à ceux qui veulent, qui sont présents dans cette salle, du coup, Annette, Klinger et Médiane, vous pouvez, si vous voulez, faire un jet d'observation ou juste vous dire oui, ok, il y a des plans quoi. J'ai fait que des 3 ou des 4. Après, vous pouvez essayer de relancer, les gars, si vous voulez. Hein. Moi, je relancerai pas perso parce que j'ai On appelle ça pousser le jet. Oui, non, mais ce que je veux savoir, c'est que, étant donné qu'on a entre guillemets le temps, est-ce qu'on peut prendre du temps pour essayer de comprendre? C'est ça que je veux. Oui, mais dans tous les cas, c'est pousser le jet. C'est pousser le jet dans tous les cas, d'accord. Parce que moi, je ne relancerai pas à cause de ça. Ah, oui, oui. Bon, toi, t'as fait 2-1, c'est vrai que c'est dangereux. Je vais pousser. Ouais, si vous n'avez pas fait de 1, ça peut être jouable. Après, c'est vrai que si vous en faites, ça veut dire que vous avez au minimum un trauma. C'est que vous relancez tout ce qui n'est pas de 1 et de 6. Du coup, t'as relancé, t'as fait quoi? T'as fait des 1. Oh. De 1? Et t'as pas fait de réussite? Un 4 et un 3! C'est pas bon ça. Il essaye de regarder le papier, il se taille les yeux avec. c'est tout. C'est... Le mec, il va s'épuiser de ouf. Alors, observation, c'est intellect. Mais tu vas finir à 1. Ok. Non, mais c'est vrai. Tu vas prendre ces plans et tu vas faire, mais putain, il y a un truc qui va pas. Et en fait, pendant que tout le monde commence à plus ou moins s'occuper d'essayer de retrouver ses affaires, ce genre de choses, toi, tu vas rester concentré là-dessus et tu vas t'épuiser, tu vas réfléchir, tu vas chercher des codes inversés. Tu sais, comme nous aujourd'hui, quand on essaie de résoudre une énigme super compliquée, vous savez, les petites énigmes qu'on peut acheter là. Alors qu'en fait, la solution est toute bête. Ah oui, non, mais si vous saviez la vérité. Et d'ailleurs, je pense quand même te le dire, parce que quand même, malgré le fait que t'as pas eu de réussite. Mais après, moi, je peux lui dire au bout d'un moment, parce que moi, je le sais ce que c'est. En fait, tu sais. Mais oui, mais en fait. Attends, tu verras. Dans tous les cas, il en est que tu vas t'épuiser intellectuellement, c'est comme ça. c'est tout, tu vas. En fait, tu vas commencer à douter, c'est vrai que le fait de pas réussir à lire un truc aussi con te met plutôt mal à l'aise en fait dans ta condition. C'est vrai que tu t'es toujours senti plutôt bien, mais ça te rappelle que Bah, le fait que tu sais lire et écrire, ce qui est assez rare déjà dans cette arche, tu es dans un cas où en fait tu n'es pas si intelligent que ça, tu vois. Genre, comparé à d'autres, tu. Et c'est vrai que juste ne pas savoir lire un dessin, ça te mine un peu le moral, quoi. Et du coup, t'es un peu empris sous le doute. Et donc, du coup, de manière absolument géniale, tu vas te prendre 2 points de confusion. Parce que c'est ça, hein, tu te rends confus tellement t'essaies de t'enfoncer dans ce dessin et essayer de comprendre ses codes. Et en fait, l'erreur que tu fais, c'est de chercher trop loin dès le début. Et du coup, en fait, plus tu t'enfonces et moins tu prends du recul et moins ce qui est évident saute aux yeux. Ouais. Du coup, ce qui fait que jusqu'à la fin de cette session, tu jetteras qu'un seul dé pour tous les jets d'intellect. Un seul dé pour tout? Un seul dé. Bah oui, tu es à 3, moins 2, ça fait... D'accord, ok. Ça va être rigolo, je sens. C'est pour l'intellect. C'est-à-dire que bah, dès que tu fais quelque chose d'intellect, t'auras qu'un seul dé. D'accord. Sachant que tu as un dé d'être brisé. Hein. Oui. D'accord. Est-ce que je peux quand même prendre la carte en mode je suis toujours avec moi? Ah oui, ça par contre, tu vas la garder longtemps. Tu veux... Forcément, pour que tu t'épuises autant, ça va pas se faire en 2 minutes. Ouais. Donc c'est pour ça que les autres vont commencer à ranger. Les autres, je reviens. Ah bah, eux, ils commencent à faire leur boulot, quoi. Et justement, j'en viens à vous et je reviens sur toi après. Si X veut revenir après avoir fait ce qu'il voulait faire avec son butin. Tu as le droit de me l'indiquer si tu veux venir les aider ou si tu pars définitivement. Bien sûr, parce que alors, moi je n'attends que ça. Parce qu'une fois arrivé vraiment dans le dortoir, alors je regarde déjà s'il y a du monde. Je sais qu'on est en pleine journée, mais. Ouais, un peu... Effectivement, dans la journée, c'est assez rare qu'il y a du monde parce que les esclaves bah, sont employés à être des esclaves et du coup ils ne sont pas en train de dormir dans le dortoir. Il n'y a vraiment personne. À ce moment-là, bon, si tu attends un peu, si tu peux faire qu'il y a des gens qui risquent de venir au moment de la pause, mais là t'es en plein moment de rush, les gens sont en train de travailler sur les projets, ce genre de choses. C'est le moment où les esclaves sont pris en masse par Binix et ça balance du boulot, quoi. Dans ce cas-là, je vais, je pense que je vais ranger pour le moment vite fait sous le drap. Les canettes et je vais revenir. Ok, donc tu reviens dans quelques minutes. Vous de votre côté, du coup, Médiane et Klinger, vous vous trouvez du coup à deux à devoir vider. Vous allez devoir du coup prendre les affaires d'Astrid. Il n'y en a pas énormément, hein, comme pour tout, la plupart des choses vous les avez sur vous. Hein, on n'est pas dans un surplus de matériel. Par contre, il va falloir retirer la tapisserie, ça prend du temps, ça va être un peu redondant, et surtout, ça va donner une tristesse à ce lieu, une mélancolie énorme, parce que bah, derrière la tapisserie, hein, encore une fois, c'est que des vieux murs qui sont fissurés, qui sont dégueulasses, et c'est vrai que Astrid avait plutôt ce don de donner l'illusion qu'elle vivait dans un endroit plutôt intéressant, et finalement, vous n'avez guère plus que des vieux murs frissonnés, enfin oui, frissonnés tout à fait, fissurés, et de la tristesse du coup, parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait dedans. De ce papier que j'enlève, je vais en garder un bout, que je vais plier, et que je vais mettre dans ma poche. Très bien. Voilà. Tu plies un petit bout, tu mets dans ta poche. De ton côté, Médiane, cette situation est un peu étrange parce que bah, t'es là que depuis quelques temps. Alors, tu sais qu'Astrid avait une énorme, il me semble, amitié avec toi, qui était, du coup, oui, c'est bien ce qui me semblait, je regarde l'affiche, qui était réciproque. Hein, donc, Astrid était la personne avec qui tu étais le plus proche de tout ce groupe. Et donc, tu te fais agresser. Tu te réveilles, t'apprends qu'Astrid a disparu, qu'elle est considérée comme morte par l'arche, et tu te retrouves à déchirer son papier peint, alors que, enfin, toi, tes derniers souvenirs, tout allait bien, chacun vivait sa vie. Et... Ouais, c'est une situation peut-être un peu étrange pour toi, tu vois, genre tu viens juste d'arriver et bon bah voilà, ta meilleure amie est morte, voilà, bon bah, c'est comme ça, hein, je veux dire, c'est un peu étrange comme réveil. Je c'est sais pas brutal. Comment toi tu le prends du coup. Pas forcément brutal parce que Tu vois, c'est pas arrivé en mode putain, elle est morte, mais c'est juste étrange en fait. Tout qui s'enchaîne comme ça, parce que pour toi en plus, bah, vu que t'étais dans le coma, t'as pas vu le temps passer, donc pour toi, c'est juste. T'as été agressé, tu te réveilles, une personne a disparu, les gens sont devenus méfiants, enfin. Voilà. Et du coup, vu que tu arrives petit à petit dans ce jeu, j'en profite pour aller voir un peu ta psyché, je te demande, du coup, comment toi tu prends personnellement tous ces événements aussi étonnants? Eh bien, je le prends assez mal. Tu m'étonnes. Je le prends assez mal, mais il y a surtout, en fait, il y a plus de confusion vraiment que de. C'est moi. Que du reste, quoi dire, je comprends rien, pas vraiment ce qui se passe. Et surtout, j'apprécie pas aussi surtout qu'on fasse comme si elle était morte aussi rapidement que ça. Genre, c'est pas sympa. Et je pense même que à voix haute, pendant que je déchire le papier peint, je dis bon, la prochaine fois que je tombe dans le coma, faites pas penser à y rester plus longtemps. Vous du coup continuez, vous finissez du coup de supprimer toute la tapisserie, etc. Vous prenez les dernières affaires d'Astrid, hein, pas grand chose. Alors, il n'y a pas de bouffe, pas d'eau. Mais il y a quelques affaires, des vêtements de rechange qu'elle avait, ce genre de choses. Deux, trois breloques hein, qui traînent par-ci, par-là. Et du coup, ouais, vous finissez là. Pendant ce temps-là, vous voyez que vous réalisez que vous venez de tout faire à deux, que. X vient d'arriver, finalement il n'y avait pas grand chose à faire, encore une fois, ça c'est assez petit en tant que ça. Et du coup, ouais, c'est. X vient d'arriver et vous avez toujours Annette concentrée comme jamais. Putain, mais c'est quoi ce bordel papier. J'arrive pas à comprendre ce. Mais ça fait aucun sens. Ça devrait pas être là parce que. Annette. Après tout ce temps, alors que X vient d'arriver et regarde un peu, bah du coup avec dépit, hein, le fait que ça soit déjà fini et que ça veut surtout dire qu'elle est vraiment pas si dans le bien-être qu'elle semblait faire croire, parce que finalement vous avez pratiquement rien pour partir, hein, c'est vraiment encore une fois quelques breloques, quelques affaires et c'est pas plus riche que ce que vous avez à avoir vous personnellement. Et tu arrives, tu vois ça et puis tout à coup. Annette, tu as cette épiphanie, cette révélation qui te vient. Ils n'avaient pas parlé d'un fumoir avec le croix. Après, tu regardes et tu fais, mais oui, mais... En même temps, quelle idée a eu Astrid de dessiner en vue du dessus. C'est super étrange, tu vois, c'est concentré sur le dessus... Et surtout, en fait, elle a surligné énormément une fenêtre que tu comprenais pas ce que c'était. C'était un carré surligné, là. Et il y a plein d'annotations dessus. Du coup, tu t'es en te demander si ce carré avait une valeur symbolique. En tout cas, voilà, il semblerait que maintenant que tu revois tout en perspective, c'est les plans, peut-être, du dit fumoir, vu du dessus, avec une fenêtre par-dessus. Tu regardes ça, t'es en mode, bon, d'accord. Et... Tu as cette épiphanie et tu te tournes vers tes amis, peut-être heureuses, tu vois. Et tu vois c'est que. C'est moi ils sont un peu, tu vois, mélancoliques en mode merde. On est vraiment en train de vider l'appart d'Astrid, quoi. Et il y a toi en mode ouais, je sais ce que c'est. C'est horrible. Un peu. En tout cas, tu as extrêmement mal à la tête et tu te sens un peu confuse. Hein. T'es pas très à l'aise. Hein. Tu viens de te tuer sur l'aspect sportif, etc. Heureusement que t'as eu un rappel d'un seul coup du chroniqueur qui parlait de fumoir avec Klinger. Mais oui, maintenant que tu le sais, c'est pas évident. Mais t'es quand même à la limite de t'effondrer de surcharge mentale et tu penses que tu vas faire doucement avec les énigmes pour le reste de la journée, quoi. En tout cas, vous avez Annette, vous, qui vous fait mais c'est le fumoir! Et vous êtes en mode bravo! Des énigmes! Vous êtes très heureux du coup d'apprendre que c'était les plans du fumoir, et vous allez pouvoir du coup quitter ce lieu, peut-être en rendant un dernier regard envers cette salle vide, ces restes de vieux sièges hein, qui restent là, parce que de toute façon ça va servir aux gens. Sachant que bah, ça sera le premier arriviste qui remplira du coup cette salle de cette façon. Et pour ma gloire personnelle, je vais garder la carte et je repère en grand devant la porte. Effectivement. Et du coup, oui, vous savez pas encore qui va l'occuper. Peut-être des esclaves. D'un côté, on est dans le quartier des anges. Est-ce qu'ils feront vraiment ça Bon, en tout cas, c'est ce que parlait le chroniqueur. Maintenant, à savoir s'ils le feront vraiment. Peut-être même la personne que vous avez sauvée. Peut-être que quand elle se réveillera, ça sera l'appartement qui lui sera donné. Ou peut-être juste un caïd qui va décider de mettre un de ses bras droits là-dedans. Dans tous les cas, Astrid n'a plus cet abri et ne l'aura peut-être plus jamais plus, jusqu'à preuve du contraire. Vous sortez de là, et du coup, vous vous retrouvez avec les 2-3 breloques d'Astrid sur les bras, des restes de tapisserie à jeter et peut-être à donner. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, moi, j'ai envie de dire que j'en ai pas fini avec cette maison, même si elle a pas été encore occupée. Mmh. Que je pense qu'il me reste il reste quelque chose encore que je veux ramener, mais pour ça j'ai besoin de l'aide de mes congénères, et c'est pour ça que dès que l'heure de la pause va, vu que j'ai quand même l'habitude de travailler, dès que la pause me semblera amorcée, je vais me précipiter encore une fois au quartier des Fangeux pour retrouver des gens sur le chemin ou des gens dans le dortoir, et je vais annoncer plein d'excitation, même si on a moyen de récupérer 2 matelas. Astrid, sa maison a plu, on peut récupérer 2 matelas, il me faut des gens avec moi, des matelas vite, voilà. Et je veux rassembler 4-5 personnes pour amener les matelas. Voilà. Oui. Après, pour le coup, à voir ce que vous allez en faire, parce que vous dormez quand même déjà sur des matelas. Mis à part les gens qui dorment dehors, mais eux, je pense qu'un abri sera déjà bien. Mais après, je t'en empêche pas du tout. Hein, c'est y a pas de souci. Mais les esclaves qui dorment dans le dortoir ont déjà des matelas, c'est le minimum qui vous a été donné, enfin le maximum même, j'ai envie de dire. Vous avez des matelas, c'est même une des raisons pour lesquelles on fait bon, ça va, c'est pas si grave, mais voilà. Tu peux tout à fait, hein, y a pas de souci. Mais du coup, bah, tu vas pouvoir récupérer si tu veux, effectivement, ces 2 matelas. Sachant par contre que tu sais. Là par contre, clairement, en tout cas ça je le sais, que si ça se sait que c'est vous, il peut avoir répercussion vu que ces matelas semblaient être désignés à être réattribués aux prochaines personnes qui arrivaient ici. C'est toi qui vois le risque que tu prends. Mais je te le dis parce que c'est logique, c'est cohérent, ton personnage le sait concrètement. Ce qui, encore une fois, ne t'en empêche pas. Hein. Moi, je donne les informations. Faites ce que vous voulez avec. Mais du coup, voilà. Du coup, sauf indication du contraire, tu maintiens ton plan. Tu vas pouvoir aller voir des esclaves et récupérer 2 patelas avec leur aide. Hein. De toute façon, à partir du moment où tu te lances, il n'y a pas de raison que vous le fassiez pas. Les autres ? Bah moi, honnêtement, maintenant qu'on a fini, avec ça, bon, je sais pas quelle heure il est à peu près dans la journée, là, mais enfin, quelle heure il est, j'entends bien, je sais pas l'heure, mais au niveau du soleil où on en est, si j'ai le temps, bah, je pense que je vais aller donner un coup de main pour le bétail, et accessoirement parce que je sais pas où on en est au niveau bouffe, si on a mangé, si on n'a pas mangé depuis qu'on est arrivé. Bah, vous avez mangé depuis que vous êtes là. Par défaut, vu que c'est une ellipse, je ne vous retire pas de bouffe. Okay. Parce que c'est une ellipse. Je considère que vous avez réussi à en récupérer pour revenir à peu près au même stock que là où on s'en est arrêté. Enfin, genre, voilà. Mm-hmm. Pour ouais, l'instant, je le gère comme ça. Pour l'instant, ça va. Oui, enfin, ça va. Toi, tu n'en as pas, mais tu as des balles. Donc, et d'ailleurs, il me semble que notre amie Médiane, qui n'a pas mangé non plus, ce qui est peut-être pas super, hein, parce que je rappelle, au bout d'une journée sans manger, vous êtes affamé. Notre amie Médiane, qui, en plus de ça, vient de se réveiller d'un coma, pourrait peut-être t'accompagner pour aller chercher un repas. Parce que tu n'en as pas. Et Médiane n'en a pas. La seule personne qui en a sur elle, concrètement, elle en a une, c'est Annette. Écoute, je vais aller chercher un repas. Parce qu'il faut quand même que j'en ai un, malgré tout. Mmh. Et ensuite, j'irai voir pour le bétail. Ok. Médiane, est-ce que tu accompagnes Klinger pour aller chercher le repas ou... Ouais, je vais chercher un repas avec Klinger. Mais du coup, vous dirigez, tu sais, toi, avec les conversations que tu as eues avec Davana, que l'Arche maintenant ne gère plus directement, enfin, c'est plus les chroniqueurs qui gèrent la nourriture. Et chose qui peut soit être avantageuse, soit faire un peu froid dans le dos, vu que ça veut dire que d'autres personnes, du coup, vont s'en occuper. Quand tu arrives, du coup, bah, tu vas chercher un peu ici et là qui est apte à te vendre de la bouffe. Et rapidement, le nom de Milix revient. Milix, hein, que vous connaissez bien, parce que Milix, je le rappelle, est un des précieux combinards, un des précieux bras droits d'Astrid à l'époque. Combinard que vous avez un peu eu le temps de voir, un combinard que vous savez gère aussi les esclaves. D'une manière pas forcément très agréable pour eux, mais c'est son boulot, apparemment il le fait bien. Du coup, voilà, vous allez devoir vous diriger vers Milix. Rapidement, du coup, vous allez au niveau du quartier Fourjeux, puisque à cette heure-là, il a sûrement... Moi, je me dis, tu peux me voir là-bas. Oui, mais en même temps, toi, t'as une bouffe, du coup, je sais pas ce que tu fais. Je t'as pas forcément besoin d'aller en chercher une maintenant, même si tu peux en chercher pour des réserves, mais... J'essaie de trouver mon ami le... Le collectionneur. D'accord. Pour lui toucher 2-3 mots. Alors, c'est très très difficile de le trouver, sachant qu'il a une habitude, c'est de rester cloîtré chez lui. J'espère que tu vas y arriver. Justement. je compte bien trouver. C'est ma quête. Du coup, tu vas le chercher longtemps, waouh, en te dirigeant directement vers chez lui. tu te dis que y a de fortes chances que ça fait une semaine qu'il reste là-bas. Peut-être qu'il y a encore. en tout cas, voilà, tu rentres vers là. Je vais continuer du coup avec ces deux premiers personnages. On fera des petits liens, j'ai l'habitude. Mais du coup, vous allez voir Minix qui vous accueille tout souriant, de manière peut-être un peu malaisante, hein, vu qu'il est censé de perdre sa patronne dans laquelle il est censé avoir une bonne relation, et que ça accuse seulement... Ah ! Mais que me vaut la visite de... Oh ! Médiane ! Ça faisait longtemps, ouais. Mais que me vaut la visite de bons amis dans ce quartier si joli ? Bah écoute, un peu la même chose que ceux qui viennent te voir en ce moment. Faut bien qu'on survive, hein. Ouais. Eh. Vous savez quoi ? Vous allez être contents. Je sais pas si vous savez, mais le parrain a récupéré le marché de la bouffe. Hein. Et du coup, il a fait appel à moi en tant qu'intermédiaire. Je reste totalement indépendant de lui, attention. Je reste tout à fait fidèle à Astrid. Mais voilà, je lui sers d'intermédiaire pour cette mission-là. Et avec les ressources que ramènent les chasseurs, vous pouvez avoir pour une balle, deux rations de bouffe. C'est deux fois moins cher qu'avant. Réfléchissez-y. Alors si vous avez une petite balle à donner... Capitalisme. Écoute, c'est vrai que ça a l'air d'être un bon deal, si je puis dire. C'est-à-dire que tu bouffes deux fois plus pour le même prix qu'avant, c'est quand même un sacré deal. Heureusement que je suis là hein, pour vous servir forcément là-dedans. Mm-hmm. Écoute, Médiane, ça me semble bien. Est-ce que Tu pourrais, au nom de notre amitié profonde pour notre amie Astrid qui n'est plus là aujourd'hui, faire preuve de générosité et pour une fois seulement, pour une balle, en mettre trois. C'est ce que j'appelle une négociation. Incroyable, il y a une compétence pour ça, mon ami. Tu vas faire un jet. On va faire du coup un petit conflit social, mon cher Klinger. Je te laisse du coup l'initiative parce que tu es premier. Tu vas faire, s'il te plaît, un test de manipulation basé sur ton empathie pour essayer du coup de le manipuler. Ok. En plus, t'es manipulateur psy, donc ça devrait passer. Je vais pas aller bien loin, mais c'est pas grave. J'avoue que tu es un manipulateur psy, ça peut peut-être servir. Ouais, donc il faut que j'utilise mon machin là. Ouais, ton machin, ouais, grave, putain. Le gros machin. Bah écoute, je vais le faire, tiens, on va essayer, hein, ce sera l'occasion de... Deux. Trois. Bah d'utiliser de mon talent, quoi, enfin ma mutation. Donc je vais essayer de... Tu peux du coup le faire plonger dans la confusion pour le faire rater du coup sa défense. Mais il faut déjà au moins que tu réussisses. Ouais. Au moins pour un statu quo. Déjà il faut que tu tentes la manipulation et après on verra. Mais Donc écoute, c'est 2D, alors on va voir ce que ça donne. Hein. Ouf, ah oui. Bah oui, parce que en empathie j'ai 2 et en manipulation j'ai 0. Donc... Allez, vas-y, on croit en toi, vas-y. Eh bien, oui. C'est vrai. Un 6. Bah, bravo, c'est bon. Toi qui te regardes, tu fais... Ah là là. Qu'est-ce que je ferais pas pour les amis de mes amis? Je ne sens pas qu'on n'est pas amis, attention. Alors, les affaires. Parce que c'est vous. Mais, vous n'en parlez à personne. Non, tu sais très bien. Tu me connais, tu sais que je suis pas le plus bavard des... Mais non, je préfère, parce que et après, ça va très vite, vous en parlez à une personne, ou du coup, crois qu'elle aussi peut avoir le même prix, et puis après, toute l'arche me demande non, ça. Non, et moi, j'ai une réputation à me faire parmi... Ne t'inquiète pas, voilà. Mélik. Ok, bah du coup, y a pas de souci. De toute façon, besoin, je vous envoie des esclaves ou maraves. Allez. Suivez-moi. Et du coup, ouais, qui vous emmène dans une espèce de petite cabane qui sont en fait non loin du quartier des esclaves. Et c'est là où il dort, lui, c'est son abri. Et ce qui lui permet, en fait, vous savez, lui, de gérer les esclaves, de se lever la nuit pour les frapper. Il aime bien ça. Oui, Milik, c'est quelqu'un d'agréable, vous inquiétez pas. Et du coup, dedans, il a des petits stocks de nourriture. Et du coup, étant... Alors, vous me donnez une balle chacun, c'est ça? C'est ça. Ok. Il prend du coup la balle de Klinger, te donne 3 rations de bouffe. C'est de la viande, hein, qui a été chassée généralement le matin même. Oui, dans l'eau, il y en a peut-être une qui date de la veille, mais si tu la manges tôt, tu vas voir, elle sera encore bonne. Ça et marche. Pareil, du coup, pour toi, Médiane, c'est de la viande... Okay. Voilà. Du coup, vous perdez tous les deux une balle, mais vous gagnez tous les deux 3 bouffes, et ça c'est bien. Sachant que vous venez sûrement de voler du coup une ration de bouffe à quelqu'un. Mais bon, hein. Moi je m'en rends pas compte de ça. Pour l'humanisme, on repassera. Non, pour moi c'était prévu dans le deal, ça y est, aucun problème. En même temps, moi, j'ai pas trop de soucis parce que j'ai participé quand même à l'instauration de la chasse en formant les gens. Donc, quelque part, si les gens mangent mieux, c'est aussi un peu... Ouais. Enfin, ces gens, sauf cette personne qui, du coup, n'aura pas sa ration. Oui, sauf cette personne. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais non, s'il a accepté le deal, c'est qu'il en avait sûrement assez pour tout le monde. Voilà, oui. En vrai, non, ça permet de placer une petite information, mais dans sa cabane, forcément, il stocke pas non plus des tonnes de nourriture. Hein, genre, c'est pas un endroit très intéressant à voler. Il a l'air de recevoir par petits paquets de rations, donc il en a 5, 6, 7 à chaque fois. Ça ouais. fera moins à manger à X. Ah non, c'est ça. Eh, en vrai, je vais être vraiment tirer aléatoire parce que j'ai un tableau pour savoir où vous êtes tous numérotés. Du coup, je vais tirer aléatoire et si ça prouve, ça sera vraiment X qui du coup aura une bouffe en moins. Quand il va venir. Il en a deux en plus, alors c'est bon. On verra. Dans tous les cas, vous achetez votre bouffe et vous partez de votre coin. Je suppose du coup vous allez en manger une ration là maintenant, parce que. Oui. Hein, et du coup, vous mangez que votre ration. Je partage avec avec Flint, évidemment. Bien sûr, comme bien d'habitude. Bien sûr que tu partages avec Flint, parce que ce pauvre chien quand même, faut bien qu'il mange. Exact. Et donc du coup, moins un bouffe pour vous deux, parce que vous mangez, parce que c'est nécessaire. Et tu vois. En vrai, c'est... Médiane. Ça te fait du bien. Ça te fait extrêmement bien. Et tu sais que si tu passes ton après-midi peut-être à te reposer, à ne pas trop faire d'efforts physiques, ça pourrait t'aider à te revigorer. Bah, littéralement, te revigorer, c'est dans le nom. Du coup, voilà. Des fois, je cherche des phrases compliquées pour dire des trucs simples. Du coup, voilà, ça tu sais que, genre, voilà, manger, ça fait toujours du bien là-dessus, et quand c'est suivi d'un peu de repos, ça aide quand tu as des traumatismes encore présents. Après, ça voudrait dire que tu ne participes pas à la vie de l'Arche, attention. Je viens de découvrir la vie. Exactement. Ah là là. Non mais attends, j'essaie d'être sympa et de manière RP amener des points de règles pour vous l'expliquer gentiment. Ah si ouais, tu veux, merci. Je t'explique plus les règles et tu te démouilles. Ah oui, c'est bon. En tout cas, moi, pour ma part, après avoir mangé et enfin avec mon chien, nous partons voir si on peut donner un coup de main pour. Je vais m'occuper un peu des deux autres. Non parce mais je te dis juste et ce que je fais. Je reviens sur vous après. Mais de toute façon, ça, tu l'avais dit il y a déjà un petit moment. On va passer... non, désolé, pas toi, Annette, mais X, parce que ça fait un petit moment. Et après, Annette. Mais si. Je suis con. Non, vas-y, continue. Alors... Non, vas-y, continue. D'accord. C'est juste que je me suis rendu compte d'un truc. Alors, oui, pour être... Moi, je pensais trouver plus de nourriture chez... pour dire, c'est très cher... Astrid, je suis un peu déçu et je pense que je vais rejoindre la majorité des esclaves pour le moment. Mm-hmm. Enfin, le chantier où je sais qu'il y en a le plus d'esclaves, en tout cas. Plutôt la construction l'autre du temple ou de la. Bah, c'est vrai que le temple me semble plus logique dans le sens où votre force sera vraiment employée pour construire quelque chose de concret, là où le bétail, il faut d'abord amorcer, etc. Après, je te laisse faire le choix, hein. Tu peux aller de l'un comme de l'autre, les deux me semblent cohérents en fait, donc c'est vraiment comme tu veux. Ou tu peux faire aléatoirement, bah, genre... Je vais plutôt aller vers le temple dans ce cas. Très bien. Du coup, toi, tu vas aller du coup gérer le temple. Et bah, je veux vraiment du coup savoir comment tu vas t'impliquer du coup pour aider à la construction du temple. Bon, après, je me doute un peu, mais c'est comme ça que fonctionne le système. J'ai besoin d'une petite discussion, sachant que il faut que ça ait un rapport du coup avec les trucs suivants. Sachant que attends, je sais que toi, t'as des bonus et tout, mais alors temple. Excusez-moi. Voilà. Non, elle est restée. C'est prêt ? Oui. Voilà. Avec l'endurance ou la manipulation, je me doute un peu où tu vas aller, mais voilà. Je veux que tu m'expliques du coup avec quelles compétences et du coup ce que tu fais réellement en RP pour participer à la construction de ce temple. Bah. C'est-à-dire que je pense que je vais mettre ma main à la pâte comme tout le monde et je vais participer à la chaîne. À poser telle tôle, tel bloc de pierre, tel. Et je vais vraiment faire de la manutention pure et simple. Même si, bon, c'est... je sais tout de même un peu réduit, malheureusement. Bien sûr. Par mes blessures, enfin, par mes dégâts toujours présents. Oui, tes blessures. Je ne vais pas m'empêcher tout de même de travailler. mais tout à fait, tu as raison, c'est l'endurance. En endurance. Ouais, c'est de l'endurance, et tu tu es là vraiment pour poser les blocs de pierre, là on te le dit de les poser, même si c'est pas forcément de la pierre, mais on se comprend. Mais du coup, tu vas me faire, s'il te plaît, un test d'endurance. Donc du coup, l'endurance qui est liée, il me semble, si je dis pas de bêtises, à la vigueur. Donc ça te fait 3, plus 1, donc ça te fait 4D. Ça va. Et les résultats te me donneront un nombre de points de travail à attribuer. Une réussite. Oh. J'hésite oui. à... Je sais que je devrais peut-être pas, mais j'hésite à pousser le G. Alors c'est faisable, mais attention. Déjà, est-ce que t'as déjà fait des 1 somme. J'ai batte de somme, j'ai oublié de le prendre en compte. Oui, oui. Bête de somme, à mon avis, je crois que c'est un bonus. Attends, je te dis ça, je vais la voir sous les yeux dans une seconde. Hop. Triple 1. Bête de somme, c'est que sur ton test d'endurance, pour chaque 1 obtenu. Non, merde, ça c'est rebelle, je suis trop con. Oui, modificateur de plus 2 lors du jet du projet de large. Donc lance 2 dés déjà supplémentaires, c'est ça. Bête de somme, c'est. Non, les dés supplémentaires, tu sais, c'est des dés compétences. En fait, c'est peut-être ce que tu as dit, je suis désolé. Mais du coup, voilà, parce que c'est ceux qui ne donnent pas de mutation, etc. C'est des dés neutres, les compétences. Donc voilà, tu jettes des dés compétences. Ok, donc 7 de dés rouges. Exactement. Vous êtes fort. Et du coup, Rebelle, ça, je peux l'utiliser là? C'est sur l'endurance, oui. Hein. C'est chaque 1 obtenu, ça sera un plus 1 sur ton prochaine action. Faut que tu me le dises parce que je connais pas ta. Mais... Je viens d'obtenir 1-1 là, juste. Ouais, est-ce que t'as eu une autre réussite? Non. Ah, bon. Ce qui fait que du coup, sur ta prochaine action, tu auras un bonus de plus 1. Ce que bah là tout de suite c'est de savoir est-ce que tu pousses, sachant que si tu as fait un 1, c'est-à-dire que si tu pousses, tu as au minimum un traumatisme sur ta vigueur. Sachant qu'il te reste 3 points. Est-ce que ça vaut le coup de te risquer? Est-ce que... Ouais. Do it. Pire ami du monde. Comment allez, allez, vas-y. Brise-toi les os une bonne fois pour toutes. Bon, écoute, bon, allez, je vais modérer mes efforts tout de même. Voilà. Je suis pas non plus très en forme. Tu as raison. J'avais très peur que tu t'évanouisses sur cette action, j'avouerai. Ok. Donc, pour X, un bonus de plus 1 sur sa prochaine action. Ok, c'est noté. Toi, je vais te laisser. Tu as rapporté, d'ailleurs, je le note, plus 1 point de travail sur le temple. Néanmoins, juste pendant que je travaille avec mes congénères, je vais tout de même faire passer, chuchoter un petit mot. Soir, j'ai besoin du maximum de temps. J'ai un problème. J'ai besoin de monde. Tu fais tourner et tu sais que sûrement des têtes. Tu pourras réunir du monde. Parfait. Moi ce que je vais passer du coup à notre amie Annette. Et pendant ça, je vais demander peut-être de faire un petit jet, je regarde un truc. Ouais, tu feras un petit jet d'empathie, juste empathie, sans rien, sans compétence, je veux dire, juste attribut empathie, et tu me donneras le nombre de réussites en dessous. Annette pour que je continue sur Annette, fais le jet de ton côté, tu me donnes la réponse en dessous, c'est un truc que je gère de l'autre côté. Annette, quant à toi, dis-moi tout, qu'est-ce que tu fais du coup Oui, t'es allé voir le collectionneur. Tu te rends chez lui et tu rentres dans son abri. Son abri, hein, pour le décrire, c'est la petite salle qui est juste à côté de la salle où se trouvent les réunions entre chroniqueurs, etc. Et c'est là où ils stockent les artefacts. Et lui a dedans la même volonté de stocker des artefacts. Il y a pas mal de petites babioles, de petits trucs comme ça. C'est très poussiéreux. cette volonté vraiment à la limite du religieux, tu vois, genre si on pose ça là et on n'y touche pas, ce genre de choses. Après toi tu es habitué de ça avec lui et du coup bah voilà, dis-moi, tu rentres et dis-moi ce que tu fais dans avec le collectionneur qui est là, il est accroupi en train de regarder une babiole qui est au sol. Bah déjà je le salue d'une manière très amicale. Il te salue, il se lève. Oh, Annette, vous ici, et il te salue. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Rien de nouveau, j'essaye de comprendre cette babiole là au sol. Elle avait une utilité. J'arrive pas à décrypter comment les gens s'en servaient. Alors, ça ressemble à quoi? C'est un objet métallique dans lequel il y a deux trous au milieu et c'est tout. C'est deux trous verticaux et c'est un objet métallique assez rond, on va dire. C'est peut-être quelque chose qui servait à emboîter quelque chose d'autre. Mmh. Sûrement. Mais il faudrait trouver quoi? Oui. Bon, que me vaut ta visite? Je voulais savoir par rapport à ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression que les gens sont assez distants. L'ambiance est assez lourde dans l'arche. Bien entendu, bien entendu. Je veux pas attiser, mais on le sait, certaines personnes se sont amusées à avoir quelques privilégiés, ça c'est sûr. De l'autre côté, l'aîné est pas là. Et tu sais que je refuse de prendre la position de chef de cette arche. Et forcément, ça manque un peu de... Enfin, tu étais là, mais quand je suis descendu parler de ces rêves que j'ai eus, on est d'accord, les gens tout à coup ont trouvé un espoir en moi, mais je ne suis pas cette personne-là. Oui, mais peut-être que tu pourrais endurer ce rôle pendant un temps. Je pense que ça pourrait les aider. Les gens, tu les connais, ils supposent que je joue un double jeu, feignant ne pas vouloir ce rôle et l'avoir en même temps, mais... Ce n'est guère ce que je veux dire de moi. Je suis là pour le savoir, et c'est pour ça que nous-mêmes, nous sommes amis. Mais oui, mais je comprends tout à fait ton point de vue, mon ami, mais... je pense que là, l'heure commence à s'aggraver un petit peu, et si on ne fait rien, peut-être que l'arche pourrait peut-être même tomber. Oh, je pense que les gens ont besoin d'espoir, et c'est ça qui nous manque cruellement. Et si on n'a plus d'espoir, c'est la place au chaos. Je comprends, mais... Je sais pas, puis on a bien le pain qui rêve absolument d'avoir un contrôle sur l'arche et peut-être qu'il sera pas si mal que ça. Enfin, j'en doute, hein, clairement pour moi, il est clairement mal intentionné et cherche surtout à. Mais qui sait, on pourrait peut-être en tirer du bon, mais. Je sais pas, pourquoi pas avoir un bras droit qui tiendrait ce rôle publiquement? Pourquoi pas toi? Moi? Ouais, on a le même amour de. De ces babioles là qui dégagent tant de charme. Oui, mais je n'ai pas autant de charisme que toi. Oh. Je n'ai pas ces visions. Mmh. Oui. Alors ça c'est autre chose, mais ces visions je les ai eues qu'une fois. Oui, c'est vrai. Mais certaines personnes pensent que j'essaierai d'instaurer un culte. Autour de moi. Que veux-tu que je te dise? C'est... Je me sens mal... De prendre position au pouvoir maintenant. Puis... J'ai tant de artefacts à comprendre. Et si seulement on faisait plus d'expéditions et qu'on nous ramenait enfin plus de choses. Toujours la même babiole à regarder. Ouais, t'as sans doute raison. Ah, ta fainéantise n'aura pas d'égal. Je vous dis avec ça, avec un clin d'œil. C'est vrai. Mais réfléchis à la proposition que je te fais. Tu pourrais me servir de personne intermédiaire. Sur toi, les gens ont beaucoup moins de choses à dire. Malheureusement, mon côté un peu ermite qui n'aime pas se mélanger a créé quelques rumeurs sur moi que je n'aime guère, mais toi, tu as l'air d'avoir plutôt bonne réputation en cette arche. Tu pourrais... J'essaye d'être gentil. Et c'est très bien. Après, à toi de voir si tu te sens avoir cette responsabilité-là, d'être la nouvelle aînée. Écoute, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir, sincèrement. N'en parle pas trop à tes amis. Non, je vais garder ça pour moi, bien sûr. Ils ont... Tu peux me faire confiance. Ah oui, à toi je fais confiance, à eux beaucoup moins. D'ailleurs, comment se passe-t-il de votre côté? Il y a des choses intéressantes? Ah bah tu sais, depuis la disparition d'Astrid, l'ambiance n'est pas forcément au beau fixe. Voilà ça. D'un côté, ça soulage certains, tu sais. On raconte que parmi les gens les plus bas d'ici, avoir un caïd en moins sur le dos... Ça leur déplaît pas. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose. Parce que quelqu'un la remplacera. Oui. Et Astrid, elle était jeune, elle essayait de se faire respecter, mais on va être honnête, pas grand monde, on avait vraiment quelque chose à faire. Mais... Du coup... peut-être que son remplaçant sera pire. Ou meilleur. Bon, Astrid était... pas vraiment dangereuse pour l'arche. Et... Non, mais meilleur que la personne qui pourrait la remplacer, le pire. Espérons. Avais-tu autre chose à me dire? Non, mais je venais juste pour prendre des nouvelles de mon ami. Comme d'habitude, je travaille. Tu vois, c'est beau, il commence à refixer la babiole qui sur laquelle était avant que tu arrives. D'ailleurs, je lui tends une mini babiole que j'avais trouvée sur la route. Oh, tu vois qu'il la prend. Tu devrais faire plus d'expéditions, tu sais. Ça serait... Personne ne me ramène à rien. Bon. On va réfléchir à cette histoire de peut-être l'espoir qui manque à ces gens. Mais réfléchis du coup à la proposition que je t'ai faite et moi je travaille en attendant. Ouais. Tu vois qu'il commence à partir dans le coin de la pièce, genre il a 2 mètres de toi, juste il te tourne le dos quoi. Et il va dans le coin de la pièce et il commence à fixer l'objet dans tous les angles. Mon précieux. Allez, je te laisse avec tes breloques. Vieux fou. Non, on se clashote, Pour revenir sur nos deux amis qui étaient ensemble, qui ont, j'ai l'impression qu'on se séparait maintenant, Klinger et Médiane, qu'est-ce que vous faites? Ben moi je dis que j'allais au bétail. Ok, toi tu vas au bétail. Médiane? Eh oui, bien ça... moi, bonne question. Je comprends. Je pense qu'étant une personne foncièrement bien intentionnée, et pour une fois c'est pas ironique, non. Je vais aller auprès du temple sûrement, qui est en construction, pour voir si tout se passe bien, et comme je suis un peu médecin aussi, s'il y a un esclave qui se blesse ou un truc comme ça. De toute façon, j'ai toujours été un peu proche des esclaves, c'est sûrement pour ça que je suis un peu pote avec X. Est-ce que tu... Mais par contre, tu participes pas au projet, on est d'accord. T'es juste là en soutien, tu aides, mais non, parce que participes pas en ça. Si je participe au projet, je me brise en deux, alors... Non, tu peux très bien faire un jet de manipulation pour aider, parce que ça fait partie des compétences. Moi, je dis ça, j'y ai rien. Tu peux le droit. Puis tu te brises pas forcément, c'est juste que tu es fatigué et que, effectivement, par contre, si tu te reposes, tu pourras regagner plus facilement. Ouais, je vais essayer d'encourager un peu, allez. Allez, ok. Je vais commencer par toi, parce que c'est vrai que, du coup, comme tu viens juste d'arriver, t'es pas la personne qui interagit le plus, Je crois que tu te feras assez vite au rythme, du coup. Du coup, pour le temps, pareil, tu rejoins X au final, au bout d'un moment, que tu vois, il travaille, il porte les ressources et commence à suivre un plan qui a été dessiné, ou plutôt par un des chroniqueurs qui donne des indications. Toi, tu as pas, du coup, je suppose, travaillé sur l'endurance, mais sur la manipulation, et du coup, sachant que c'est de l'empathie, donc en gros ça c'est de la vraie motivation du coup et la manipulation au sens religieux du terme. Hein, donc c'est à dire que voilà, et, tu vas peut-être encourager en parlant. Sache que si tu fais une prouesse, alors une prouesse pour te redéfinir un peu, c'est quand tu fais un deuxième 6. À partir du deuxième 6, ça devient une prouesse. Un 6 c'est une réussite, et au-delà c'est des prouesses. Hein. Mais il attend même pas. c'est un jet de manipulation que t'as fait, donc manipulation c'est empathie, ouais. Plus manipulation, c'est ça, ouais, sauf que j'ai rien en manipulation, donc c'est directement empathie juste. Ah ouais, c'est ça. Ah, tiens, sans. Oui c'est ça, si tu n'as rien, bah voilà, le mec il veut être religieux, il manipule même pas les gens. Du coup t'as jeté 4D, c'est ça? C'est ça, c'est à partir de quand que c'est une réussite déjà? C'est quoi cette histoire? Un 6. Un 6, il y a 0,6. Est-ce que tu as fait des 1? Non. Ah, fait intéressant, tu peux pousser ton jet. Non mais, fait intéressant, tu peux pousser ton jet, c'est-à-dire que tu vas t'épuiser à la tâche. Les 6 du coup deviendront des victoires, par contre si tu fais des 1, ça fera des traumatismes à guérir. Si je pousse ça, en fait, je rejette tout, c'est ça? Je rejette les 4? Ouais, tu rejettes tout ce qui est ni D1 ni D6, mais comme t'as fait aucun des deux, tu jettes les 4. J'ai envie de le faire. Bah attends, tu viens de te réveiller. C'est bien mon genre de m'épuiser en parlant de religion à des esclaves. Mais oui, mais puis en vrai, tu viens de te réveiller, t'as rien fait pendant je sais pas combien de jours là où t'étais dans le coma. Ouais, dépense-toi un peu, moi je suis d'accord, c'est RP. Du coup, bah tu relances les 4 si tu me donnes les résultats. Attends, je vais faire que des 1. 4-1, tu vas voir. Le mec, il s'effondre. Non, bah 0-6 et 0-1. Mais c'est quoi ces jets? Putain. Ouais. Mais tu sais, le taux de chance normalement que t'as de réussir, enfin, ça me... c'est pas normal, enfin genre change d'aide s'il te plaît, parce que du coup attends je regarde, mais avec 4D t'avais 67% de chance de faire une réussite, 52 pardon, t'avais 52%, et vu que t'as poussé avec 4D t'avais 74% de chance de faire une réussite. Eh ben pas là mais du coup en fait tu es trop fatigué et putain ça fait chier, je voulais faire un truc sympa avec une prouesse et tu bafouilles. Et oui, non, mais tu bafouilles, hein. C'est-à-dire que t'es là pour les aider et t'es en mode. Merde. Et d'abord Mais en fait, il y a quelque chose qui te bloque, c'est que vous faites un temple, mais au nom de quelle divinité en fait? Ouais, ça me perturbe un peu aussi, ça. Alors, ça sera quelque chose qu'on parlera après, parce que je comptais que tu puisses avoir le choix si tu faisais une prouesse. Malheureusement pour toi, tu n'en as pas fait et je suis très déçu. J'aurais aimé que ce soit toi qui choisisse la divinité en arrivant, en les convaincant tous que c'est pour ça qu'ils construisent le temple. Ça aurait été tellement fun, hein, tant pis. Du coup, pour l'instant, en fait, tu sais pas eux pourquoi ils le font, tu vois. Genre, tu sais pas au nom de quoi ils sont en train de faire ce temple. Et du coup, t'es là en mode ouais, et puis qui vous. Ok, et du coup, tu te tentes des trucs, et puis les élèves, mais de quoi tu parles? En fait, t'es totalement enfoué, et tu te fatigues, t'essayes. Fort heureusement pour toi, tu te prends un trauma, parce que tu t'es pas non plus assez con pour t'épuiser moralement à essayer de les convaincre, mais voilà, tu tentes, et bon, au final, juste un moment, un mec il te demande de l'aider un peu parce qu'il est fatigué, tu fais ton truc de médecin, quoi, tu passes un peu d'eau, puis tu te sens un peu bête de ne pas avoir puisé d'exa sur la construction de ce temple. Donc, Klinger, toi aussi, du coup, tu vas t'occuper, toi par contre, du bétail. Mais dis-moi, du coup, mon cher Klinger, comment tu t'occupes à l'aide au niveau du bétail, sachant qu'en plus de ça, je vais mettre du stylo sur moi, les jets sont soit endurance, soit connaissance de la zone. Mais en fait, j'avais décidé qu'avec l'aide de mon chien Flint, nous pourrions essayer de d'attraper ces animaux que nous allons devoir... Ça, c'est plus partie de chasse. C'est ce que tu as déjà fait pour partie de chasse. Enfin, le bétail... Le bétail, il faut bien le capturer. Je peux pas le... Je ne suis pas contre ça, mais comme tu as fait exactement la même action pour le partie de chasse, j'aimerais que tu te renouvelles un peu d'imagination. Tu comprends, tu vois, genre c'est... En soi, c'est pas faux, mais comme tu as déjà fait, c'est pas fun, tu vois, genre c'est... Dans ce cas-là... mon chien va pas me servir à grand chose. Flint. Oui, mais toi tu es là. Tu n'as pas qu'un chien. Oui, mais... tu es un être humain. Oui, mais après je voulais faire, utiliser mes capacités. Là où je suis bon, c'est-à-dire plus la recherche. Mais après je peux toujours, oui. Comme mon chien, c'est un petit peu fatigué de ce qui s'est passé, je vais lui demander de se reposer, puis je vais mettre la main à la pâte et construire les clôtures s'il faut en faire. Donc là, sur l'endurance. Mais tu aurais pu, par exemple, connaissance de la zone, tu sais, le chien, l'utiliser comme des chiens de berger, par exemple. Tu sais, genre, apprendre à... Parce que le bétail, il va falloir un moment qu'il vous soit docile, hein. Tu vois, contrairement à la partie de chasse, tu vois, tu aurais pu l'utiliser comme ça, par exemple. Soyez imaginatif, hein, sur les projets, n'hésitez pas. Hein, oui, bah après, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé aux chiens de berger. Il n'y a pas de souci. vraiment, on est là, on est tranquille, on se pose, on est chill. Et puis en même temps, j'aimerais vraiment réussir un jet pour toi, puisque personne n'a vraiment réussi en ce moment. Donc... Si, il y a UX qui a fait quand même une petite réussite. Du coup, tu vas travailler sur ton endurance et je te laisse du coup faire ton jet d'endurance. Alors mon jet d'endurance, donc j'ai un endurance et c'est la vigueur, donc 4. Hop. Allez, vas-y. Allez, les petits dés, pas de 1, plein de 6. ça a pas l'air très... Alors, je sais plus c'est quoi quand il y a 2-6. Il y a 2 ? Quand t'as 2-6, c'est 1. C'est une prouesse. Eh ben, c'est-à-dire une prouesse. Tu fais une réussite et une prouesse. Malheureusement, j'avais pas d'idée fun et originale pour là si tu faisais une prouesse. Contrairement à Médiane, mais il fallait qu'elle réussisse pas, bien entendu. Eh bien, je plante les poteaux tellement vite que les gens n'en reviennent pas. Ouais, c'est... Non mais c'est lié quoi. C'est que toi du coup t'es en mode limite tu fais du travail d'esclave quoi. Et en vrai tu fais super bien, tu fais rapidement, tu fais augmenter de 2 points le bétail qui était à 1 sur 6. Donc là il passe du coup à 3 sur 6. Donc c'est pas mal, tu fais la moitié du boulot à toi tout seul tu vois. Ah c'est longtemps que je voulais aider la communauté. C'est ça. Et en vrai, ça t'a permis de discuter, de passer un bon moment, de quoi, avec les esclaves en fait, et d'avoir une d'avoir du coup ouais, un contact qui se crée en fait. Jusqu'à présent, bon voilà, tu vis avec eux, mais t'avais pas forcément plus apprécié ou plus détesté que ça. Alors que ouais, là, tu sens que t'as une petite côte de popularité. Mais putain, en fait, déjà, ils travaillent à notre tâche, tu sais, alors que normalement, tout ce qui est endurance et force, on met les esclaves et les autres gèrent les trucs plus intellectuels, quoi. Alors là, tu travailles avec eux, t'es modeste, tu travailles bien, tu les aides vraiment. Et du coup, là, il y a une petite bonne réputation et peut-être même ça pourra retourner à l'oreille de X. Je suis sympa, moi. Eh oui, il est sympa. Très bien, du coup, vous passez votre journée à travailler vraiment du coup sur les projets de l'art, chacun de vos côtés, plus ou moins réussi hein, pour certains que pour d'autres. Oui. Je vais aller justement, quand je termine justement mon entretien avec le collectionneur, je vais aller justement à côté de l'hôtel, justement pour voir comment ça avance et si je peux donner un coup de main peut-être. Mais je te le mettrai un démaillus parce que du coup t'arrives un peu tard. Oui. Et du coup, tu peux pas passer une vraie journée de travail. Ouais, non, mais c'est juste histoire de surtout de me promener en fait. Et de surtout de vider la tête. Tu peux te promener toujours, sans être. Sans participer au projet, mais tu as dit que tu pouvais donner un coup de main. Est-ce que tu veux vraiment donner un coup de main et essayer du coup, ou juste tu te promènes? Non, je me promène, mais s'il y a quelqu'un qui me dit tiens, tu peux. Ok. Mais du coup, je considère que tes aides ne seront pas assez concrètes pour augmenter. Oui, voilà. Mais ça me va, du coup tu arrives, tu aides un peu. Mais c'est vrai que du coup vous êtes trois au temple. Tu vois Médiane galérer un peu, essayer d'avoir raconté des choses et t'as mal, mais. Oui. Tu vois, genre, elle accosse un des esclaves en mode la souillure est votre dieu. Et il trace. Ah non, elle en accoste un autre. Et les babioles de temps d'avant sont vos dieux. Et qu'elle tente comme ça de comprendre qui est le dieu qu'on a l'air de construire pour ce temple. Ça va, Médiane? Tu te sens bien? Je ne sais pas qui on vénère. Qui est notre déité? C'est vrai que maintenant qu'elle le soulève. Et si notre dieu était inexistant, était impotent, était tellement grand qu'on ne saurait même pas qui il est, s'il existe réellement. En vrai, Annette, quand Médiane te dit ça, d'un coup, il y a un truc qui te marque, c'est que, mais oui, sous quel dieu on en rend conscience? Oui, voilà. mais vraiment, en fait, c'est un truc pour l'instant qui a pas l'air d'être arrivé, mais le fait qu'elle te le dise directement, d'un seul coup dans ton cerveau, ça fait. Bah oui! Ah oui, bah oui, mais c'est con! C'est con! Mais qui a eu le cul de faire entendre? Et plus de la moitié de la population, donc c'est sûrement vous n'êtes pas dans cette moitié-là qui sait, qui a eu ses envies. D'un côté, vous avez un peu raté le. Bah moi, j'étais en combat déjà, mais bon. Du coup, ça, voilà, c'est pas une punition, hein, le fait que vous savez pas ce que c'est une petit truc de jeu sur lequel vous pourrez rebondir, et du coup ça sera même à vous de décider, mais on fera ça en off. Mais du coup, tout ça pour dire que du coup vous passez votre journée à travailler là-dessus, plus ou moins du coup efficacement, X, bien, Klinger, très bien, et les deux autres, bon bah, ils existent, on est là. Très bien. Voilà. c'est un soutien, c'est déjà ça. Du coup, voilà, vous passez votre journée à ça, vous finissez, et une fois la journée finie, vous êtes en fait tous appelés sur la place. La plage, je rappelle, hein, c'est l'endroit où vous faites les assemblées, c'est l'endroit où il y a eu le corps de... que je me trompe pas de prénom, parce que sinon ça le ferait pas. Le corps de... oui, voilà, c'est ça, Verana, qui a été retrouvée nue et absolument écorchée de partout. D'ailleurs, dans la même sorte d'écorchure qu'avait eu Médiane. Et... C'est là où en fait se passent tous les endroits importants. C'est là que le collectionneur a fait son speech disant qu'il y avait division. Enfin voilà, c'est la place. Là, vous vous rendez sur la place parce que bah, il y a l'air d'avoir un mouvement de foule et il y a l'air de s'y passer quelque chose. Juste pour savoir, entre le moment où vous y allez et le moment où vous avez fini votre travail, est-ce que quelqu'un veut faire une petite action? Je n'autoriserai pas quelque chose de grand, mais un petit truc, je l'autorise. Voilà, juste pour savoir si quelqu'un a fait un dernier petit truc. Non, moi je discute juste avec les gens pour savoir un petit peu leur ressenti par rapport à l'arche et tout. C'est-à-dire que moi je pensais faire un petit truc comme j'avais dit précédemment, mais c'était. Mais c'est après, c'est. Oui, c'est ça, donc, c'est à la nuit. Parfait. Bah, moi en fait, j'étais plus parti pour. Si entre temps, voir Davana. Et. Ouais. Essayer de voir avec elle. S'ils ont déjà une idée de qui va récupérer la place de Astrid. Tu bah effectivement tu vas aller la voir, tu vas lui parler en espérant avoir une réponse honnête de sa part. Et t'avoue que pour l'instant elle en sait rien. C'est géré en fait malheureusement pas par elle, qui je rappelle normalement une chroniqueuse assez bien placée. Mmh. Là c'est quelque chose qu'on lui laisse pas avoir accès. Elle t'avoue d'ailleurs que c'est pas quelque chose qu'elle apprécie, hein, comme situation, normalement, enfin genre les choses se passent pas comme ça, mais il y a une espèce de petit brouillard entre l'aîné et 2-3 chroniqueurs qui ont l'air de décider de ça. C'est assez étonnant parce que l'aîné a quasiment jamais agi comme ça de toutes les années dans lesquelles il vous a supervisé. Bon, mais du coup, elle peut pas te répondre et ça l'embête autant que ça puisse t'embêter. Ok. Ouais, c'est bon. Vous arrivez du coup sur cette place et ce sont les deux Onards que vous avez croisés d'ailleurs en début de journée qui sont sur l'estrade. Vous avez avancé un peu pour essayer d'entendre ce qu'il se dit. Et il dit justement les choses suivantes. Nous avons une preuve concrète de ce que nous avons avancé. Il y a de fortes chances, selon nos derniers repérages hein, que nous avons effectués en dehors de cet endroit, repérage qui a coûté la vie à l'un d'entre nous. C'est quelque chose de sérieux, quelque chose de grave. On pense qu'à direction de et il vous montre la direction de l'ouest si je me trompe pas. On pense qu'on a vu une sorte de culte, de secte. Des humains, enfin des mutants, comme vous et moi, habillés de longues robes. Et ils étaient ni affectés par le froid, ni par la crasse de notre monde, de la zone. Ils étaient aussi propres que n'importe quel de vos rêves dans lequel vous avez cet objet que vous avez tant désiré. Ils étaient tout simplement plus propres que tout ce que nous n'avons jamais rien vu. Leurs vêtements étaient extrêmement jolis, sans taches, et ils semblaient même pas craindre le froid, pour alors que vous le sentez vous-même, hein, le froid commence à s'abattre sur l'arche. Et on ne sait pas qui ils sont, et forte chance qu'ils sont peut-être plus nombreux. Certains parlent peut-être d'un bunker, d'une zone militaire cachée, quelque chose du genre. On sait que par là se trouvent des usines désaffectées des temps d'avant, mais on n'avait jamais trouvé quelque chose du genre, mais... Voilà, on a peut-être trouvé d'autres gens, comme vous et moi, en vie, et qui ont l'air sortir d'un rêve tellement c'est... net. Hey, vous les avez... Je sais pas si vous savez aussi, mais nous aussi, quand on est allé dehors, on a ramené quelqu'un. Ouais. Il n'est pas habitué comme ça, mais... Ça viendrait montrer qu'on n'est pas seul, quoi, aussi. Vous avez raison. Bah, et tout à fait, cette personne, malheureusement, les chroniqueurs n'ont pas encore réussi à la réveiller, mais à la différence de ce qu'on a vu, c'est qu'elle est aussi crasse que nous, vous voyez. Elle est crasse, elle a vécu ce qu'on vit, nous. Elle vit dans la zone, et... non, c'est vraiment ça la différence, mais vous avez raison, on a de plus en plus de signes qu'on n'est pas seul et qu'il y a peut-être d'autres... Vous les avez vus de vos propres yeux ? Oui. Vous n'avez pas tenté une communication ? Ils étaient trop loin et... D'accord. Le temps qu'on s'approche sans pour autant être à découvert, on ne savait pas s'ils étaient hostiles, hein. Ils nous ont échappé. Ce qui nous fait d'ailleurs justement supposer qu'il y a peut-être un bunker par là, quelque chose souterrain... Quelque chose de caché. Vous seriez capable de nous y ramener une seconde fois ? Bien sûr. Nous sommes des zonards, on connaît la zone comme dans poche. Ok. Moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer de les retrouver et d'établir peut-être une communication. Peut-être qu'ils ne sont pas si hostiles que ça et que peut-être ils n'ont pas idée que d'autres personnes ont survécu. Ouais, il faudrait qu'on fasse ça. Mais on tenait à vous informer. Sachez que nous sommes passés par les chroniqueurs avant. On a eu du mal un peu à les convaincre, mais c'est chose faite. Et on voulait être honnête avec vous. On a de plus en plus de preuves que nous sommes pas les seuls. Et on a peut-être là des personnes comme l'aîné, s'ils ont aussi à résister à la salure de la zone, peut-être qu'ils sont des temps d'avant. C'est... ils venaient d'où? Oui, dit, on les a vus vers... Là-bas. Là-bas. C'est on connaît pas encore les points cardinaux. Attendez qu'on évolue en technologie. En tout cas, vous allez encore un peu... Fallait passer l'eau. Hein? Il a demandé s'il fallait passer l'eau. Attends, parce que là, pour voir vraiment de quoi tu parles, je vais chercher la map, histoire de pas dire de bêtises. Quand tu parles d'eau quoi? Bah une grande rivière. Oui, non, mais ça je me doute bien, mais parce que vous êtes dessus... Genre, ah oui, tu veux dire, est-ce qu'il faut la traverser comme ça, c'est ça? Genre... Ouais. Non, de l'autre côté. Ah, du côté là où il faut traverser aussi. Vu qu'on est quasiment entouré. Mais non, il n'y a pas d'eau à traverser, quoi. C'est que du terrain. C'est que de. Du... Il n'y a que du sol. En fait, il faut partir de l'autre côté où vont les parties de chasse et vous remontez. À l'opposé. Et vous arrivez à la terre ferme et c'est une vieille zone industrielle qui a été abandonnée. Bon, attention, vous nous y conduirez si on a besoin d'y aller. Au besoin, oui. Pouvoir, Après, en ce qui concerne... Il y a des dangers On n'est pas tombé sur du danger, si ce n'est leur présence. Après, c'était une zone qu'on est en train d'explorer, donc on peut pas vous promettre qu'elle soit libre de tout danger. En tout cas, en ce qui concerne votre hypothèse sur un possible lien avec... L'aîné, je pense que il ne faut pas espérer quoi que ce soit. L'aîné est peut-être encore ce qu'il reste, un des seuls rescapés de l'avant. Ouais. N'empêche que si ça s'avère être des temps d'avant, ils ont peut-être des informations sur l'Eden. Oui, après, ils pourraient tout à fait être des gens qui ont reçu des indications de personnes qui étaient là avant, mais qui sont comme nous, mais sauf qu'ils sont une meilleure vie. D'autres. Dans tous les cas, il faut explorer, et puis de toute façon, aucune piste est négligeable. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans l'arche, il va falloir découvrir notre monde. Ouais. Et il va falloir vous former aussi pour ça, mais ça, c'est une question un peu épineuse. Indéfini. Pardon. Indéfini quoi? Deux. Ah ouais, voilà, c'est tombé. Ah, ces esclaves. Bah écoutez... J'essaie de refaire le lien avec la phrase, je trouve. On verra bien. Maintenant, je pense qu'il est temps pour nous de... Vu l'heure... Allez se reposer un petit peu. Tout à fait. La journée a été éprouvante. Plus pour certains que pour d'autres. C'est ça. Effectivement. À ces mots, vous voyez que, en fait, il y a des groupes qui se créent. Il y a certains qui rentrent chez eux et d'autres, en fait, qui vont vers les zonards, essaient d'en savoir plus. Hein. Forcément, ça fait un mouvement de foule. Vous avez remarqué que la foule est très. En fait, depuis l'accident avec Verana, il est très. Il réagit fortement dès qu'il y a des personnes qui prennent la parole publiquement et semblent donner une direction à suivre, en fait. Alors qu'à une époque, ça pouvait être facilement ignoré, aujourd'hui, il me semblait que ouais, le peuple a l'air de rechercher ça, de facilement accepter ce genre de choses. Dans tous les cas, vous décidez sûrement d'aller vous reposer ou de traîner, que peu m'importe. Dans tous les cas, vous allez y passer la soirée et puis après, vous finirez forcément par vous reposer. Du coup, nous allons laisser là pour cette journée. Je vais considérer de base que ceux qui n'ont pas mangé durant cette session l'ont fait là avant d'aller se coucher. Donc, vous vous retirez une ration de bouffe. Et s'ils ne l'ont pas, bah, je considère qu'ils n'ont pas mangé. Mais il me semble que ce n'est pas le cas. Annette aussi, donc tout va bien. Du coup, on va se quitter là pour cette session. Je vous demanderai effectivement à notre ami. Bah, tu l'as déjà lancé, c'est ça, c'est un 2. Non, je ne l'ai pas lancé. D'accord. Et je vais demander du coup à notre souilleur de lancer notre dé 6 final. Bah, je tiens à dire qu'en temps normal, vous savez, une personne devrait mourir dans l'arche durant cette session de maladie, de violence, etc. Mais vous avez fait quelque chose d'assez incroyable, c'est que vous avez monté le niveau de nourriture. Et quand il est au deuxième palier, c'est-à-dire entre 10 et je ne sais plus combien, et bah, le nombre de victimes baisse de moins 1 à chaque session. Et donc par conséquent, pour la première fois depuis le début de cette campagne, en 8 sessions, personne est mort dans l'arche